juste une pratique assez spéciale. Enfin, c'est pas moi qui le fais, c'est un pote. Ouais. À chaque fois, la nuit, il est là, il a pas de caleçon, et il dit oh, sortez-moi de l'eau, sortez-moi de l'eau. Et dès qu'on lui met de l'eau sur son anus, et d'un coup, il pète, ça fait un geyser au moins de 5-10 centimètres. Ah, ça, tu vois, c'est les petits délires d'internat. Hein. C'est-à-dire que ton pote, tu lui mets un petit peu d'eau dans l'anus, il pète et il fait du geyser. Donc ben tout voilà. Le monde a vu l'anus de ton pote. C'est ça. Ouais, voilà. Et puis un jour, il y a eu un peu foireux, mais on appelait ça du coup le volcan. Oh. Puis, mais vous êtes malade. J'ai fait une petite ok c'est les gars, hey, et temps d'aller, c'est bien scatologique tout ça. Allumez votre volcan là. Enfin, hein, bref. Hein, Hugo, tu fais une bise à tout l'internat et tous les potes qui sont derrière et qui pouvaient pas gueuler parce qu'il y a la surveillante qui est juste à côté. On va vous envoyer des capotes, d'accord les gars? Ouais. Attends, est-ce que je peux faire une dédicace? Vas-y. Ouais. Ok, je fais une dédicace à mon cousin Benoît, mon frère, et à tous ceux qui vont m'entendre, voilà. D'accord, ok. Bon geyser à vous, les gars. Hein. Amusez-vous bien à base de vulcanologue. On est avec Steven, notre auditeur du soir, à qui on va dire bonsoir. Bonsoir, Steven. Ouais. Salut. Ouais. C'est, alors, Steven, gros succès tout à l'heure sur ton rap. Hein. Ton rap dance floor. Ouais, bah, je vais t'en faire un autre, là. J'approuve. Oh, on en a ouais, bah, écoute, hein. il te reste 30 secondes pour finir l'émission. Petit rap de Steven en direct sur Fun Radio. C'est parti. Go. J'ai pas de petite coupure, faut que tu le comprennes, c'est par crainte du Seigneur. Et vu la tournure que les choses prennent, je crains le pire, espère le meilleur. Une fois parti dans ma lancée, le mal me ronge. Quand je suis plongé dans mes pensées, j'ai tendance à noyer dans mes songes. C'est ça le malheur, y'a rien de comparable, des hommes n'ont plus de valeur. Je regrette celui qui va les Sankara, il se croit imparable. Puis s'imagine qu'on n'y voit rien quand il considère mon pays comme des boîtes à rats. C'est ça dans le rap, on parle, on quitte la mérime. Pour les oeils, on se bouge, mais les oreilles, on se bouge quand les estomacs crient famine. Je le dis et pense, la beauté de nos paroles n'a d'égal que la laideur de notre indifférence. Bravo, bravo, ouais. quelle belle phrase. Belle ouais, il réfléchit, hein. Bien sûr. Bien. Mais attends, c'est bien. Bravo. Travail. Bravo Steven. Je dirais que ça dépasse largement tes blagues du début. Ouais, c'est une espèce de contraste. Il y a quelque chose de très beau en toi. Les blagues étaient un peu. Il y a plus d'avenir dans la musique, Doc. Hein, je veux dire un truc. Ouais. Vas-y. Bah, pour le coup du premier rendez-vous. Ouais, là, tu réagis à l'émission d'hier à 20h. Ouais. Steven, je te fais une grosse bise. On te fait des gros bisous, mon Steven. Et bravo à toi, sans déconner. T'assures quand même. Hein. Salut mon Steven. Ouais. Salut Steven. Ouais, salut à toi. On va retrouver les filles. On va se retrouver dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. On va retrouver Marion Enzo, le Night Show qui va commencer. Salut, bonsoir les filles. Bonsoir. Oh, quelle action ce soir. Ah oui, ce soir, il y a du lourd. Il y a du lourd. J'ai vu des stars de l'Internet. C'est ça. Du YouTube. Du YouTube. Oui, tout à fait. On n'en dit pas plus, on laisse la surprise. Ah oui, on laisse un petit peu la surprise pendant quelques minutes. Hein. D'accord, petit teasing et une bonne émission ce soir, les filles. Merci. Salut. Au revoir, à bientôt. Bisous. Bisous, à demain, tout le monde. Marion Fraîche et Barras, elles sont toujours contentes d'être là. On est contents d'être là. Marion. Amir, Enzo et Thibaut, c'est le Night Show sur Fun Radio. Marion Enzo. Pétillante, délicate et fruitée. Marion Enzo. Mais tu vas la fermer ta gueule! Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the Night Show! Marion. Et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. 22h02, tout pile. Bienvenue, bonsoir tout le monde. Vous êtes sur Fun Radio, Hello. C'est le Night Show en direct. Bienvenue dans la seule émission radio présentée par deux meufs. Oui, bonsoir. Oui, c'est vrai, c'est nous. Bonsoir Anso, comment ça va chérie? Salut. Eh ben, j'ai encore un peu la crève, mais ça va un peu mieux, j'ai l'impression, ce soir. De toute façon, tu as une voix sexy quand tu as la crève, donc ça ne me dérange pas. Eh bien, je resterai donc malade toute ma vie. T'as passé une bonne journée? Très bonne journée, très simple. Ma foi, on a bien ri, un peu comme tous les jours. Et c'était très bien, on a un peu préparé l'après de cette émission de ce soir. Puisque ce soir, on fait la teuf avec toute l'équipe. Oui, et on va vous mettre des snaps de partout. Voilà, parce que nous, on décide comme ça de se la foutre bien mal comme ça dès le lundi soir. Comme ça, on sera bien dans la merde pour le reste de la semaine. Non, mais c'est une petite soirée comme ça pour réunir tout le monde, pour resserrer les liens. Parce qu'il n'y a pas que le smoothie du dimanche qui permet de créer les liens de l'amitié. Hein. Voilà, une petite escapade en discothèque. Voilà, en tout cas, moi ça va. Merci de me demander, Anso. Ça va. Ça va, Babur? Oui, ça va. J'ai passé une bonne journée aussi. Je suis bien contente de vous retrouver. Franchement, c'est un kiff. Ce soir, on va vous l'annoncer. On a du lourd. Et de toute façon, on a du lourd là dans quasiment toutes les émissions qui arrivent. De l'invité, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est clair. Et donc, ce soir, nos invités sont qui dans le Night Show? Eh ben, on reçoit McFly et Carlito de Golden Moustache. On leur a préparé mais des trucs canon. Franchement, je vous le dis, ça va être énorme. Et puis, il y aura le Pokélost aussi ce soir. Vous allez pouvoir gagner votre PC portable. 2 heures un petit peu en direct avec vous. Hein. Appelez-nous, c'est gratos en plus. 01 42 48 5000. Est-ce que vous voulez du bon son ce soir? On en veut. Un petit Gims featuring Jules, ça vous va ou pas? Ah ouais, grave. J'adore. Hey. Je kiffe tellement celui-là. Lui, il me donne envie de m'ambiancer ce soir, justement, tiens. Mais tu vas t'ambiancer, oui, tu vas bouger ton boule. On aura aussi le son qu'on aime qualifier de smooth avec Enzo, c'est Mike Perry. Ah ouais. Ouais. Ça, en fait, c'est ça, c'est pour notre soirée, c'est-à-dire qu'on va s'ambiancer sur Gims et on finira par rouler des pelles sur Mike Perry. Ah ouais. Bon, va falloir juste trouver la personne, quoi. Oh, bichette. C'est tout. Si, je suis sûre que ce soir, tu peux trouver l'âme sœur. Oh les gars, je vous jure, auditeurs de fun, que si je chope ce soir... On fait des snaps, quoi. Ah bah oui, évidemment, on montre tout. Nous, c'est quand même une télé-réalité. On veut tout partager avec vous, donc on aimerait bien vous montrer l'intimité d'Anso. Mais bon, en l'occurrence, en ce moment, je vous jure, c'est vrai, parce que d'habitude, elle arrive quand même à pécho, à avoir des plans par-ci, par-là. Mais là, c'est un calme. Mais ouais, ça fait un petit moment, ouais. Ouais, bah ouais, il va falloir faire quelque chose, oh, Bichette. Mais pas du tout tendu. Amir ! Ouais ! Wow ! Ça va, Amir, des réseaux sociaux ? Ouais, tu m'as fait peur. Comment il va ? Eh bah, il va bien. Il va bien, et en plus, cet après-midi, il a bossé sur un petit plan, justement, pour Anso. Ah bon? Je peux pas trop en dire. Mais on a fait l'élixir, là. Ça oui, l'élixir d'amour, on lui a créé un vrai élixir avec des incantations, là, pour ouais. Bah, qu'elle trouve l'amour, mais pour l'instant, non, on n'y est pas. Non, et la vidéo, elle est sur YouTube, d'ailleurs. Ouais. Du coup, bah, je sais pas ce qui se passe, là. J'ai passé un week-end un peu chelou, du coup, je me sens concerné maintenant par son amour. Mais qu'est-ce que t'as fait pour elle? Mais non, mais du coup, je suis en train de travailler sur quelque chose. Je suis en train de travailler sur un truc, je peux pas en dire parce que je peux pas le dire là. Le mec qui est en train de développer une application qui veut pécho Anso. Il y a un délire, je suis sûr. Mais du coup, des indices. J'avance. Eh bien, c'est en relation avec le net. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais. Tu la vends sur le bon coin. Mais non. Je respecte non, mais attends, il faut pas que ce soit malsain et tout. Hein. Mais absolument pas malsain. Mmh. D'accord. C'est pas malsain. Je travaille là-dessus. Je vous en dirai plus. Incantam soupam. Il avait perdu le mot là. Bon, en tout cas, continuez à parler à Amir sur les réseaux sociaux, Marion et Enzo partout. On a du concours là pour les gamers. Allez-y, allez mater, il y a toutes les infos sur le Twitter. Bonsoir Thibault Alaréa. Coucou les filles. Ça va Bichon? Ouais, ça va, j'ai passé une bonne journée. Mais aujourd'hui, du coup, je savais pas trop quoi faire. Ouais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parcouru tous les profils Facebook de toutes les Mario et Enzo de France. J'en ai fait plus de 10 000 et je n'ai pas trouvé des aussi belles que vous. Voilà. Oh Bichon, mais t'es bête. Mais sûr que si, il y a des Marion plus belles que ça. Il y a Marion Cotillard, Marion. Il y a Anne-Sophie Lapix qui est quand même pas mal. Ouais. Non. Non, c'est vous. Le mec a pas d'argument. Non, c'est vous. Eh ben merci Bichon. T'es un amour. Ça me fait plaisir. Bonsoir Enzo. Bonsoir les filles. Ça va? Ouais, bah alors aujourd'hui, je savais pas trop quoi faire. Du coup, bah, j'ai passé ma journée sur Facebook à regarder toutes les Marion et toutes les Enzo et j'ai parcouru plus de 200 000 profils et j'en ai pas trouvé une de plus belle que vous. D'accord. Voilà. Et t'as rien à toi? En fait, je veux vous dire que c'est un putain d'arnaqueur, il écrit tout. Bah oui, on sait. Tout est écrit, c'est un mythomane. Allez-y, voilà. Faites un snap pour montrer aux gens quel arnaqueur c'est. Bah, je voulais pas me tromper. C'est lui qui l'écrit en plus. C'est pour s'en souvenir, parce que l'amour le porte. C'est ça. Vrai. Ça non, des fois, je suis trop ému et je perds les mots et après, je passe pour un gros con, je deviens tout rouge et je suis pas bien et je veux vraiment vous séduire. Oh bébé chat, il arrive toujours à nous toucher. Bah, c'est vrai, c'est sûr. Bon, ce soir, c'est un peu particulier pour le bonsoir. D'habitude, vous nous appelez pour nous raconter un peu une anecdote de votre vie, pour être le premier auditeur de cette émission. Ce soir, c'est nous qui allons vous appeler puisque c'est le grand résultat de Marion et Enzo, Opération Bahut. La première de l'année, franchement, gros suspense. Alors, on vous l'a dit, on vous a rien caché. Là, on est en mode région parisienne, mais d'ici 3 semaines, on va en province. Donc continuez à vous inscrire, il n'y a pas de souci. On débarque chez vous dans le nord, dans le sud, dans le milieu, partout. La Corse aussi. Ouais. Et bien sûr, le Canada. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, c'est Théo? Oui. Ça va Théo? Ça va très bien et toi? Bah oui, est-ce que tu nous as reconnus? Oui, c'est Marion Enzo du Night Show. Et bah oui. Putain, je suis trop content, vous gérez les meufs, c'est un truc de taré. Alors Bichon, tu t'es inscrit par mail ou avec le hashtag toi? Par mail. D'accord, c'est quoi ton bahut? T'es en quelle classe? Dis-nous tout. Je suis en seconde au lycée Grégor Mandel de Vincennes, parce qu'il y en a deux. Et je suis en seconde C, voilà. D'accord, et donc ça te ferait plaisir qu'on vienne te chercher jeudi à ton bahut? Ah mais de ouf. Eh ben écoute, on va débarquer jeudi avec une grosse partie de l'équipe. On va essayer de venir avec des cadeaux pour faire kiffer un peu tout le monde. Ouais. Et puis on va faire une activité avec toi et puis on va t'embarquer avec nous dans l'émission juste après, quoi. Vous gérez les meufs, c'est un truc de taré. Eh ben c'est avec grand plaisir, mon pote. Préviens tout le monde dans le bahut, on veut que ce soit le bordel. T'inquiète même pas. Si éventuellement tu pouvais prévoir une petite collation, hein, ça fait toujours plaisir pour l'accueil. Mais c'est nous, on va tout lui ramener, on va lui préparer de super activités. Et le soir, tu seras dans l'émission. Et tu sais qui y aura dans l'émission? Dis-moi, Soprano. Non, ce sera Zao qui sera là. En plus, tu vas pouvoir te faire kiffer. Le petit selfie avec Zao, la totale, sympa, sympa. Ah oui, trop bien. Eh ben Bichon, on compte sur toi, on sera là jeudi. Sois là, préviens tout le monde, mets-nous le bordel, ça va être le feu, ok? Ok, je peux faire une petite dédicace quand même? Oui, évidemment. Alors, une dédicace aux deux moustiques qui m'ont bien défoncé cette nuit, à mon chargeur qui vient de me lâcher, à tous les gens du lycée Grégoire Mandel et à toute l'équipe du Night Show. Vous gérez trop, c'est un truc de taré. Oh, eh ben écoute, on t'embrasse mon Théo et on se voit jeudi. Allez, bisous, à jeudi. Oh bisous, oh, il est rempli d'émotions, moi j'ai hâte de le rencontrer ce Théo. Il a l'air cool, hein? Bon, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, on aura un autre auditeur qui s'appelle Antonin. Antonin, il a un souci au collège parce qu'il a cramé un truc assez grave en fait, je dois vous dire. Il sait pas trop comment faire, s'il doit balancer, doit pas balancer. Eh ben, on va l'aider. 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble et on se retrouve juste après Martin Garrix sur Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let first, do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all il y a des déçus sur les réseaux sociaux avec l'opération Bahut, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura plein. On en fait environ une par mois, donc on va revenir à Paris, on va revenir en province surtout. Rassurez-vous, on garde toutes vos inscriptions, en plus c'est pas perdu. Voilà. Évidemment. Tu sais que à chaque fois que tu dis rassurez-vous, je pense à la musique de Renaud. C'est quoi? Ah oui, un jour vivant, rassurez-vous. C'est bien parce que t'as vraiment des références jeunes et modernes, tu vois, qui parlent aux gosses. Mais non, mais c'est un délire, tout le monde fait ça, non? Non. Bah non, moi tu vois, ça me parlait pas. Mais bon. C'est peut-être pour ça que je suis sur un célibat de longue durée, hein. Peut-être. On a Antonin de Caen qui nous appelle. Je vous le disais, Antonin, il a cramé un truc au collège qui est quand même assez grave. Oui. Antonin. Ouais, salut l'équipe. Ouais, ça va toi, bienvenue. Ça va Antonin? Ouais, je parle pas fort, c'est parce qu'il y a mon frère à côté en fait. Ah. Ok, y a pas de souci, on t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé au bahut? Bah en fait, c'était surtout l'année dernière, ça se passe encore aujourd'hui, mais dans les toilettes, il y en a qui fument l'herbe, quoi. Mm-hmm. Ou la cigarette électronique. Et du coup, à chaque fois que tu rentres dans les toilettes, soit ils te proposent, soit ils disent tu balances pas sinon je te bute, des trucs comme ça. En plus, ça pue et tout. Bah, c'est galère, quoi. Mais Antonin, c'est quand même pas pareil. Hein, qui fume de la drogue et de la clope électronique, il y a quand même une grande, grande marge. Ouais, il fume. Bah, à chaque fois, il y a toujours il fume un peu les deux, quoi, en fait. Alors toi aujourd'hui ton problème c'est quoi? Tu te dis est-ce que je dois les balancer au prof ou est-ce que je dois me taire, c'est ça? Bah ouais voilà c'est ça, et puis j'ai pas du tout envie de tomber dedans quoi. Bon ça déjà t'as raison, n'y touche jamais, c'est vraiment de la merde, crois-moi. Ok. C'est bien de ta part, mais tu sais quoi, on va demander aux auditeurs là si à leur avis tu dois poucave ou pas, parce que c'est ça en fait, tu dois faire la balance. Moi j'ai un peu peur que ouais. Ça te retombe dessus. Hein. Ouais moi aussi. Hein. Ouais, mais en plus, même temps, ouais, faut les protéger aussi les mômes. Ouais mais en plus j'ai déjà poucave l'année dernière. Ah oui, il s'est buté. Ah oui, d'accord. Excuse-nous, monsieur Balance. Attends, Antonin, tu serais pas. Ah, il vient de raccrocher, Antonin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah mince. Tu l'as récupéré, Yannick au standard, dis-nous. Ah, ouais, peut-être son frère. Il arrive dans deux secondes. D'accord. D'accord. T'as déjà poucave, toi, quelqu'un, Anso, ou pas? Jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai une histoire. Mon frère, il disait. Mon frère, il faisait que des conneries quand j'étais petite. Ouais. Et donc, je ne disais jamais rien. Genre, jusqu'à être obligée de manger des légumes qu'il aimait pas pour lui. Genre, des navets, j'ai horreur de ça. Oh, tu mangeais tous ses navets pour qu'il puisse aller jouer avec ses potes. Tu vois, j'étais vraiment gentil chat, quoi. Trop mignonne. On a récupéré Antonin, t'es là, bichon? Ouais, j'ai raccroché, ça fait exprès. Bon, il n'y a pas de souci. Tu sais quoi, reste là, on va demander aux auditeurs, là. 01 42 48 5000. Dites-nous comment ça se passe, est-ce que vous avez déjà balancé quelqu'un? Alors, c'est pas forcément au bahut, ça peut être dans le taf, dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, un pote qui a fait une connerie. Voilà, on se confie, on aime bien. Et moi, j'ai une histoire comme ça. Moi, Antonin, j'ai vécu de grosses galères au bahut. Amir aussi. Oh ben moi, il m'arrive un truc. Hein. Oh ben, Amir, la plus cave, c'est bien connu. Allez, bougez pas, on fait de la radio ensemble. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Non, ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non. 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295€ par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Mini. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Hier soir, j'ai rencontré Alice à une soirée karaoké mythique. Elle chante super bien. En deux notes, elle enflamme toute la salle, Alice. Mais moi, c'est Laurie qui me fait craquer. Elle chante complètement faux, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'une des nombreuses soirées mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275 euros par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Mais je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Eh ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Moi et mes potes voix off, tous les soirs on écoute Marion et Anso, le Night Show. Faites du bruit les voix off! Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. On doit venir en aide à Antonin ce soir. Antonin, il a 12 ans et il a cramé des gens de son bahut en train de fumer du bédo comme ça dans les toilettes. Du coup, il sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit les balancer ou pas? Parce qu'il a pas envie de tomber dedans, ce qu'on peut comprendre aussi. Hein. Ouais, mais sachant qu'Antonin, il a déjà balancé l'année dernière, hein, les mêmes, hein, je crois. C'est ça, Antonin, hein? Ouais, c'est plus les mêmes maintenant, mais surtout ouais. En plus le CPE c'est un branleur, du coup il faut rien, mais Bon, moi Bichon, je suis un peu partagée parce que d'un côté je pense à tout le bahut et c'est vrai que ce serait bien que tu les balances parce que du coup ça permettrait d'éliminer ça et d'éviter que d'autres gamins tombent là-dedans. Et d'un côté je pense aussi à toi qui va peut-être vivre l'enfer si tu balances parce qu'en général les balances elles sont mal accueillies, tu vois. Donc je suis un peu partagée. Moi je pense qu'il faut que tu arrives à faire en sorte que ça se sache, mais sans qu'on sache que ça vienne de toi. C'est mais sinon, je peux leur parler à eux. Non, mais ils feront rien, Bichon. Ils vont pas écouter Antonin comme ça. Enfin, tu vois, ils s'en foutent. Hein. Mais Antonin, tu serais pas un peu délégué de ta classe, toi? Non. Ah bon? Ouais, c'est vrai que tu parles comme un délégué. Ouais, c'est ça. Genre, je suis pas délégué. J'ai jamais été délégué de ma vie, moi, en fait. Et alors, est-ce que tu peux pas faire, je sais pas, moi, un truc anonyme pour prévenir les profs, mais sans que ça vienne de toi, quoi? J'ai essayé. J'étais allée voir ma prof principale et la proviseure adjointe. Et il y a toujours eu quelqu'un qui venait écouter ou entendre ce qu'on disait. Ouais, et puis de toute façon, c'est pas en anonyme, hein, si tu vas voir directement la prof. Bichon, ouais, non, c'est pas vrai, très c'est malin. Vrai. Non, mais commence à dire, ouais, ou peut-être va dire à ta prof, ouais, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent s'ils sont tout le temps aux mêmes horaires, à se retrouver dans le même endroit, tu vois. Mais surtout, tu dis en plus, à ta prof. Oui, en plus, maintenant, ça dit, ils s'échangent les trucs, et les produits, tout et tout, l'herbe, enfin, je sais pas. Antonin, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu dises à ta prof, voilà, que tu voulais vraiment la prévenir parce que t'avais peur, mais par contre, que t'as envie que personne ne sache que ça vient de toi, et que tu comptes sur sa discrétion, tu vois. Ok. Je pense qu'elle le fera. Les profs, ils savent, elle va te protéger, mais c'est vrai qu'à mon avis, si ça va loin, si ça commence à dealer, tout ça, faut en parler quand même. Ouais, j'en ai déjà parlé à mes parents et tout, mais... Ouais, mais bon. L'année dernière, ils m'ont proposé, j'étais aux toilettes, du dis non direct, mais... C'est bien. Ouais. Oui, mais Antonin, faut que t'arrêtes d'être tenté, hein. Bah oui. Ah ouais, mais non. Parce que j'étais allée boire et ils étaient dans les toilettes. Ouais, prends des bouteilles d'eau la prochaine fois. Voilà, investis dans des gourdes, merde. On a de la réaction pour toi au standard, t'inquiète pas. Il y a Marie qui est avec nous. Bonsoir, Marie. Bonsoir les filles. Salut. Ça va Marie? Ça va bien, ouais, ça va bien. Excuse-moi, c'est un bon conseil de prendre des bouteilles d'eau, ça évite d'aller boire l'eau des toilettes. Mais oui, bien sûr, merci. Bon Marie, dis-nous, est-ce que toi t'as déjà pouca vous balancer quelqu'un? Non, alors moi, je suis un peu à l'extrême de ce jeune homme, puisque j'ai 30 ans et que je suis CPE, mais je ne vais pas vous dire où. Ah. Après, il n'y a pas que des nazes dans les CPE, hein, faut arrêter le délire aussi. Maintenant, les filles, en fait, en gros, vous avez donné toutes les deux à peu près les réponses que j'aurais pu vous apporter, éventuellement pour vous aider. Mais c'est vrai que c'est, il est dans une situation qui est assez difficile pour lui, quoi. Aussi bien sur le fait que s'il va raconter ça au CPE ou à sa prof principale, ça va mal le faire. Et l'autre côté, c'est que pour la communauté, je dirais pour l'ensemble du collège ou éventuellement du lycée, c'est un petit peu tendancieux puisque ça peut dégénérer et se développer. Alors, on est d'accord, Marie, tu conseilles comme nous d'aller voir les profs, mais leur demander vraiment toute leur confidentialité et vraiment de le protéger, quoi. Ouais, c'est pas simple, c'est pas simple pour lui, c'est pas simple, mais il faut absolument qu'il en parle. S'il s'entend pas avec le CPE, que c'est un naze, bon, il laisse tomber le CPE, mais dans ces cas-là, qu'il essaye, s'il a des bonnes relations avec son prof principal, qu'il puisse éventuellement en parler, déjà pour lui, parce que je pense que ça lui ferait du bien, en parler à son prof principal, et puis de demander toute discrétion, bien sûr, Marie, pour Marie, lui. J'ai envie de te dire bravo, bravo, Marie, bravo, Marie, bravo, Marie, merci d'avoir conforté nos propos et merci, c'est cool d'avoir le point de vue d'un CPE. Antonin est là, il a tout entendu. Eh ben écoute, je lui souhaite bon courage et qu'il prenne la meilleure solution pour lui et pour tout le monde. Merci beaucoup Marie, on t'embrasse. Gros bisous les filles, bonne soirée. Merci. Bisous. Continuez à nous appeler 01 42 48 5000 si vous avez déjà balancé quelqu'un. On veut de l'anecdote sympa et moi j'ai un jeu pour vous l'équipe. Ah. Vas-y. C'est le tu pouka ou pas, je vais vous poser des questions, vous allez me dire sincèrement si vous balancez ou pas, ok? Anso, oui. Ton père trompe ta mère, tu poucaves ou pas? Non. Ah, tu dis rien? Ah bah non, c'est leur histoire. Et, et ta mère? Bah c'est leur histoire, ça me regarde pas. Ok. C'est leur histoire de couple. Oh là là, bon. Bon, moi j'aurais dit à Betty quand même. Ah bah écoute, tu t'arrangeras avec ma mère. Amir, ton meilleur pote tue quelqu'un, tu poucaves ou pas? Il a tué quelqu'un. Là, c'est dur. Ah c'est chaud. Hein. Ah bah oui mais... Alors, moi je vais tout faire pour qu'il aille se dénoncer. Ouais. Ouais, donc tu poucaves pas. Mais je pourrais pas vivre avec ça sur la conscience. Et puis du coup, je suis témoin. Donc non, je le poucave. Oh la balance. Ah ouais, toi tu balances quoi. Vas-y, j'ai pas envie d'aller en taule pour un crime que j'ai pas fait. Et la raison. Thibaut à la réa, tu apprends que ta meuf a volé 5000 euros à ton meilleur pote. Tu poucaves ou pas? 5000 euros ouais. Franchement, ouais, parce que c'est mon meilleur pote. Et les potes avant les meufs. Ah bon? D'accord, ouais. C'est la bien. Meuf avant les potes. Non, moi j'aime bien cette mentalité. Aussi, c'est la meuf qui est en tort, donc il poucave. Ouais, d'accord. Enzo, ouais. Le standard, ton père gère tout un réseau de prostitution. Tu poucaves ou pas? Non, je poucave pas parce que je peux en profiter. Arrête. T'es bête. Yannick du standard, tu apprends que ta mère gère tout un réseau de drogue. Tu poucaves ou pas? C'est ma daronne. C'est ma daronne, je poucave pas. Bah, je suis d'accord. Je balance pas. La famille, on balance pas. Bah, c'est à dire qu'en fait, les potes avant les meufs et la maman avant les potes. Bien sûr. Même si je cautionne pas, attention. Et alors, par contre, si ta mère tue quelqu'un, tu poucaves ou pas? Non plus. Oh putain, t'es fort. Bah oh donc là. Ta mère, elle est tranquille avec toi. Ouais, c'est sûr. Anso, j'en ai un dur pour toi. Tu découvres que ce n'est pas Michal qui a volé l'orange du marchand. Tu poucaves ou pas? Ouais, bah, je le poucave direct. Amir, tu apprends que Enzo se tape ta sœur. Tu poucaves ou pas? Mais je poucave à qui? Bah à la famille, tout ça. Ah. Je le poucave pas, je le démontre. C'est vrai. Hein. Yannick, tu découvres qu'un membre de ta famille est pédophile. Tu poucaves ou pas? Direct. Ah bah ouais, t'es obligé. Ça, non, et ça on est obligé. Hein. Ah ouais, d'accord. Non, ouais. Amir, ouais. Tu découvres l'homme le plus recherché du monde se cache dans tes sourcils. Tu poucaves ou pas? Ouais. Et il rigole pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début, c'est drôle. Et voilà, ça s'arrête à la fin, c'est plus drôle. Je vous emmerde. Allez, merci. Bien. Ça va, Bichon. Bon, Antonin, Bichon, moi, je pense qu'il faut quand même que t'essayes d'aller en parler à quelqu'un d'autre que ton CPE, parce que si tu t'entends pas bien avec lui, au prof Guilherme, mais bon. Ouais, fais ça, Bichon, et surtout, tu nous tiens au courant, d'accord? Ok. Antonin, on est avec toi, mon pote, hein. Ok, salut. Allez, bisous. Bisous. Je vais quand même demander à Pépère si lui, il a déjà balancé quelqu'un. Pépère. Bah, une fois, mes mères, elles tournent le dos à Pépère. Eh oh, toi, l'Aréa. Au connard, man. Allez. Bah, une fois, mes mères, elles tournent le dos à Pépère parce qu'il avait dit à la police qu'elle avait volé au magasin. D'accord, c'est pas bien ça, Pépère. Comment ça s'est fini alors? Bah, vu qu'elle m'a tourné le dos, j'en ai profité pour la fister, cette chienne. Non. Cette vanne de Pépère n'est pas cautionnée par l'équipe du Night Show. Non. mec. C'est-à-dire que vous le voyez pas dans le studio, mais même le gars se cache en fait. Il assume pas du tout. Vous restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, c'est l'incroyable talent qui débarque. Il y a McFly et Carlito aussi qui vont arriver. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Jonas Blue sur Fun Radio. Pourquoi ? Parce que c'est smooth. Ouais. Smooth. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Me feeling this way. There's so much we can't explain. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. Qui viennent de nous rejoindre. On s'appelle Marion et Anso. On est chaque soir en direct sur Fun Radio. Ça s'appelle le Night Show. Et si on vous manque trop le reste de la journée, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Ouais, Marion oui. et Anso. Alors, du coup, interro surprise. Marion, qu'est-ce qu'on trouve sur notre chaîne YouTube Déjà, il y a tous nos invités, dont Black M qu'on a reçu récemment. On a fait plein de trucs avec lui. Bien vu. Amir des réseaux sociaux. Le pourquoi tu m'appelles le Pokélost et le prank de Thibaut aussi. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Thibaut à l'area, qu'est-ce qu'on peut y retrouver La vidéo du Ouija qui m'a fait flipper. Grave. Ah, ça c'est bien. Yannick au standard. La vidéo du smoothie. Ah, le smoothie du dimanche pour lier notre amitié. On boit un truc horrible dont vous seul avez les ingrédients, puisque c'est vous qui nous proposez les ingrédients. Allez-y, parce qu'on rigole, on est dans le partage. Fun. Un incroyable talent. Et il y a aussi des fun à un incroyable talent sur la chaîne YouTube. Allez mater ça, on prend de tout comme talent. On adore les talents un peu originaux, mais bon, les imitateurs, les chanteurs et tout ça, ça marche aussi. Hein. De toute façon, les talents, c'est vous. Fredo est avec nous ce soir. Bonsoir, Fredo. Bonsoir, Anto. Bonsoir, Marion. Comment ça va, Fredo ? Ça va très très bien, et vous ? Oh, dis donc, je sais, un petit accent belge. Ah, pas du tout. Ah, pardon. Ah bon ? Et tu nous appelles d'où, Fredo ? Alors, j'appelle de Montargis. Ah, effectivement, ça fait une trotte. Hein. T'as quel âge, Fredo ? J'ai 18 ans. On me l'a déjà dit pour l'accent belge, on m'a dit l'accent canadien aussi, on m'a tout fait, moi. Bah, t'es un petit peu un mélange de tout, quoi, Fredo. C'est ça ton talent, non ? Ah non, mon talent, c'est animateur web radio, mais pourquoi pas aussi les voix, mais... Ah, j'aime bien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'animateur radio. Ouais. Bichon, tu fais quoi ? Tu fais ça sur une web radio connue ? Comment ça se passe ? Bah, en octobre, sur une web radio qui va être lancée, mais pour l'instant, j'ai arrêté, mais sinon, je suis également youtubeur. D'accord. Et dans deux minutes, il est médecin, là. Tu sais quoi ? Tu feras la promo de ta chaîne YouTube tout à l'heure, ok ? Très bien. Alors, tu sais comment ça se passe ? Nous, on aime bien un peu titiller les animateurs radio. On a préparé pas mal de trucs pour toi. Il va falloir improviser, ok ? Très bien. Premièrement, on va t'envoyer un jingle Fun Radio, Anso. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vas nous annoncer... qu'est-ce que tu peux nous annoncer ? Tiens, The Parakeet, par exemple. C'est un titre que j'aime beaucoup en ce moment. D'accord. Ok, donc tu y vas, tu brodes, tu dis qu'il y a le Night Show qui débarque, qu'on va s'écouter du bon son. On t'écoute, mon pote, jingle. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio, soyez les bienvenus dans le Night Show. The Parakeet, c'est le son dancer on top de la période actuelle. on adore ce tube sur le Night Show. Bienvenue sur Fun Radio, voici The Parakeet. Alors, merci en tout cas à toi, Fredo, de remettre au goût du jour la période actuelle. Même si je ne suis pas sûre que cette expression eût déjà été employée. Ouais, c'est pas mal parce qu'il stresse et tout, le pauvre. Mais oui, on te charrie, Fredo. C'est pas mal, Fredo. Bon, tu sais ce qu'on va faire maintenant ? On va passer à l'exercice libre antenne. Quand tu fais de la libre antenne comme nous dans le Night Show, il faut parfois offrir des cadeaux aux gens. Et parfois, on n'est pas toujours maître des cadeaux. On peut tomber sur des cadeaux un peu compliqués à vendre, ok ? Anso va te donner le cadeau d'aujourd'hui. Tu vas devoir tout faire pour l'offrir bah, à Amir, tiens, et le rendre heureux, ok ? Enfin un cadeau. Anso. D'accord. Alors Fredo, tu vas offrir à Amir ce soir son poids en coton-tige. Oh non, c'est nul ! Bah, je sais pas, j'ai paniqué. Quand même. Bon, Amir, fais l'auditeur content. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Allô ? Alors, allô, nous avons un auditeur qui s'appelle Amir. Bonsoir Amir. Salut. Alors, on va te faire gagner un gros, gros cadeau. Est-ce que tu es prêt ? Franchement, j'ai hâte de savoir. Mais oui, je suis prêt. Alors, c'est très simple, il n'y aura pas de question. Tu repars directement avec un magnifique cadeau. Tu repars avec ton poids en coton-tige. Yes ! Ouais, putain ! Attendez, je ne sais pas qui est le meilleur, Fredo en animateur ou Amir en faux gagnant. Amir était pas mal, mais Fredo, c'est. Ouais, bon, en même temps, c'est compliqué. Comment tu le ferais, Anso ? Est-ce que tu peux essayer avec Amir ? Ouais, je vais tenter, ok. Mais essaie de le vendre, genre pourquoi c'est bien de gagner ce cadeau, ok ? Ok, ça marche. Allez, c'est parti, les deux. Allô, bonsoir ? Oui, salut. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Amir. Amir, et tu nous appelles d'où ? J'appelle depuis Paris. Ok, Amir, oui. Tu as joué avec nous sur Fun Radio ce soir pour gagner un cadeau en exclusivité. La seule radio qui t'offre ton poids en coton-tige, c'est Fun Radio. Amir, je vais te le dire tout de suite, hein, ouais. je pense que tu as été le premier à appeler, mais est-ce que tu sais ce que tu vas pouvoir faire avec tous ces cotons-tiges ? Non, justement. Récurer des toilettes, créer des cabanes en coton-tige, c'est quand même très très tendance ces derniers temps, ainsi que créer de multitudes de choses dont toi seul tu as le secret. Amir, c'est gagné ! Attends, c'est génial toi, parce que tu trouves plein de missions en coton-tige, mais pas se nettoyer les oreilles. Non, parce que ça tombait sous le sens. Ah oui, d'accord. Je suis trop content. Merci à tous. Je peux faire une dédicace ? Oui. Ta gueule, maman. Alors, okay. Bon, Fredon, on va passer à la troisième et dernière étape. Ça va être un sujet de libre antenne. Yannick du Standard va t'exposer un problème. Il est pas bien. Il faut que tu l'aides, ok ? Très bien. Allez, go ! Salut, Fredo ! Salut Yannick, comment ça va ? Ah ben ça super bien, Fredo, je t'appelle au standard parce que j'ai un problème, c'est que j'ai des phobies, mais des phobies de ouf. Genre j'ai la phobie des pieds sales. À chaque fois, je suis obligé d'enlever mes chaussettes pour regarder si j'ai pas les pieds sales. Et ça, c'est un truc qui me rend fou. J'ai aussi la phobie du blanc. Je suis obligé de parler parce que j'aime pas quand il y a un blanc. Voilà, faut toujours me parler parce que j'ai toujours peur que la personne en face ne me réponde pas. Alors Fredo. Alors eh bien Yannick, pour ton problème de phobie, on n'a pas le doc de Lovington, mais ça c'est pas très grave. Je vais essayer de t'aider, mais pour ta phobie pour les pieds, il y en a beaucoup en France qui ont la phobie des pieds, mais ça peut arriver, mais c'est bien quand même de l'avoir. D'accord. Il n'y a pas de solution, Fredo. Ça peut arriver, mais bon. D'accord. Et la phobie du blanc ? Et pour la phobie du blanc, eh bien, si tu es une pipelette à 100%, eh bien, tant mieux. Ça évitera des blancs dans les discussions de famille. Ah ben merci, Fredo, c'est cool. Fredo, excuse-moi, mais tu es très pédagogue. Hein. Ça marche. Le vent de l'année. Il était beau celui-là. Génial, le charisme. Bon, mon pote Fredo, on a vu ce que ça donnait, on a vu comment tu t'en sortais. Rappelle-moi juste ton âge. 18 ans. 18 ans, ok, on va voter. Tu sais qu'il te faut les 5 oui de toute l'équipe pour venir tout frais payer là dans les studios de Fun Radio. Est-ce que tu es prêt pour le jugement ? Oui, je suis prêt. Allez, go ! Enzo. Non. Timo. Ouais. Amir. Non. Oh là là. Anso. Non. Aïe, aïe, aïe. Marion. Je vais dire un oui d'encouragement. Ouais, Fredo, c'est un peu limite, c'est un peu bleu encore. C'est vrai qu'on sent que t'es pas mal stressé et t'as pas encore trop d'argumentation. Voilà, Fredo. Je trouvais que c'était un petit peu léger, notamment avec Yannick. Bon, il a la phobie des pieds. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Eh bien, l'amputation. Voilà. Ainsi, il y aura plus de problèmes avec les chaussettes, tu vois. Hein, ça voilà. Pourrait être une éventualité. C'est vrai qu'il faut savoir improviser et toi, c'est encore limite, mais c'est pas mal. Et pour faire du flux musical, tu t'en es pas si mal sorti quand même. Hein. Ouais, franchement, Fredo, c'est cool. C'est quoi ta chaîne YouTube ? Alors, ça s'appelle Star TV, la chaîne YT sur YouTube. D'accord, bon. D'accord. Et c'est pas tout à fait clair, mais ça marche. Eh bien, écoute, on regardera ça et toi, tu rejoues quand tu veux avec nous, ok ? Très bien. Bonne soirée, les filles. On t'embrasse, mon Fredo. Bisous. Bisous, bichon. Bisous. Si vous aussi vous avez du talent, marion@funradio.fr. Je vous rappelle qu'on vous offre quand même la possibilité de venir tout frais payer dans les studios de Fun. Ça fait un petit week-end à Paris dans un petit hôtel sympa. On se rencontre, on se marre, c'est plutôt cool. Bah puis dis donc, j'ai l'impression qu'on mange à l'œil en plus, hein. Ça c'est pas négligeable. Hein. Et avec la chance que vous pouvez avoir, vous pouvez tomber sur une soirée où on a des invités comme ce soir. Puisque tout à l'heure, là, dans quelques minutes, ils arrivent, c'est Carlito et McFly de la chaîne Golden Moustache. Ils vont débarquer, on leur a réservé plein de surprises. Ne bougez pas, ce sera juste après Maître Gims sur Fun, on adore celui-là. Que faire de tout ce qu'ils disent, le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gassabali. Pousse-toi de la l'inspire, passe par ici. C'est plus de Nîmes et Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, mais ça va de soi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, Juju, Julie, les yo, yo, yo, yo. Plongé dans le monde. De la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. J'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit, j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a cœur démoli. On est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit, j'ai rôdé dans Paris. Avec Bédic, Dadju et Darcy. Hey! Nous déclarons le Night Show de Marion et Anso ouvert. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Oui, effectivement, on vous en parle depuis le début de cette émission. Ils sont enfin avec nous. Ils sont beaux. Ils ont un joli brin de voix. Oui, McFly et Carlito de Golden Moustache. Oh bienvenue les gars. Merci, merci pour le compliment sur le beau, joli grain de voix. T'as trop raison toi comme meuf. Oh, franchement, voilà, on le travaille, on le travaille, c'est du travail avant tout. Énormément. Ah bah ça se sent. Hein. Alors comment ça va les gars? Super. Bien, on est très content d'être là. Ouais, c'est très sympa ici. On a eu de l'eau pour l'instant. Oui. Et on a volé les cadres dans le couloir. Ah, merci. rien que ça. Ouais. Mais du coup, c'est complètement con parce que ça s'appelle plus du vol puisque vous l'avez dit. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. T'as une preuve que je l'ai dit ? Je ne crois personne. Pas. Aucune preuve. Bon, en tout cas, sachez que dans cette émission, on est fan de Golden Moustache. On adore. Et on vous adore particulièrement, vous, vos vidéos, les gars. C'est du lourd. Je vais faire un petit récap pour ceux qui les connaissent pas parce que, quand même, Carlito et McFly, c'est beaucoup de parodies chantées. On est d'accord ? Ouais. Il y a ça, par exemple, Badass. Je retire ma clé USB sans faire éjecter. Badass. Dans la poubelle jaune. Le clip est ouf. Plus récemment, on a eu ça. Massez délicatement un pote afin que la crème pénètre. Est-ce que c'est gay? Non, c'est juste pour bien hydrater. Caresser le visage d'un homme. Cette chanson, je l'ai eue dans la tête, mais toute la journée. C'est bien. Moi aussi. Alors on reste. Est-ce que t'es gay surtout? C'est la question. Je suis complètement gay. Super. On reste dans la finesse avec. Bah, il a mis son sexe. Hein. Il a mis son quoi? J'ai mis mon sexe. Il a mis son quoi? J'ai mis mon sexe. Dans un c'est Tupperware. Énorme. Il a mis son sexe. Dans un Tupperware. Il a mis son sexe. Quand même, c'est vrai qu'il chante bien pour le coup. Ouais, et quand même plus de 4 millions de vues, hein, bah, cette vanne. Hein. C'est beaucoup trop. C'est ouais, on a passé les 4 millions aujourd'hui et je ne comprends rien à cette vue. franchement. Déjà 15 000 vues, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ouais. 4 non. millions, ça n'existe si, pas. Si, parce que mine de rien, il y a du travail derrière quand même. Il y a beaucoup de vannes, les mélodies sont stylées et franchement, ils ont une belle voix. Bon, la famille, tout est prêt. On est OK pour le casse du siècle, Christina. Legging, spécial infiltration, check. Elliot, logiciel de piratage de données, check. Vacher. Bonnet sur la tête comme les gangsters pour pas attraper froid, check. Ouais, je vais peut-être devoir renforcer mon équipe avec quelques recrues, moi. T'as répété ce speech, à vous le. Toute la semaine prochaine, rejoins mon équipe pour participer au casse du siècle. Ça va se passer le vendredi 30 septembre dans les entrepôts de Cdiscount, le numéro 1 du e-commerce. Y a quelqu'un qui sait comment on met une cagoule? Je crois que je l'ai mise à l'envers, en fait. J'arrive pas à respirer. Je panique. 6h-9h sur Fun Radio. Avec Cdiscount, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud, mais t'es calé ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux. Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non, 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295€ par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi avec Orange Cash en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et ben nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, Fun. Sur iPhone. It's Fun Radio. Mettez Fun Radio à fond. Fun Radio. Le son dance floor. sur Fun Radio. Carlito et McFly sont avec nous là de la chaîne Golden Moustache. Franchement, c'est énorme. 2,5 millions d'abonnés quand même sur la chaîne. Et bravo les amis, ça cartonne. Hein. Et on les connaît tous, un par un. Ouais. Et ça ramène du bif, ça. Hein. Elle a attendu une demi-seconde avant de parler de thunes. Jean-Marc Morandini pour funradio.fr. Ça ramène de la thune, ça, YouTube. Non, parce qu'en plus, la connaissant, elle a employé le mot bif en plus. Ouais, bah, ça, ouais, c'est clair. C'est vrai. Non, mais franchement, c'est cool. Bravo, c'est canon. Et demain, Prime spécial sur W9. On va faire un petit délire par rapport à ça dans quelques minutes. Oui, tout à fait. Mais d'abord, nous avons de la question. Oui. Oui, la question. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, bah, ouais. Eh bien, il s'appelle Jean-Charles. Il habite à Saint-Etienne. Bonsoir, Jean-Charles. Salut l'équipe. Salut tout le monde. Salut Carlito et McFly. Bonjour. Salut. Ouais, salut, ouais. Salut, pardon. Ma question, ouais, c'était de savoir combien de temps il vous faut pour faire une vidéo, la réaliser, la monter et la publier. C'est une bonne question. Deux ans, à peu près. Hein, entre deux ans et un jour. C'est faux, McFly. En moyenne, une journée de tournage, on va dire pour une vidéo de 3 minutes. Ouais, c'est ça. Plutôt classique. Une journée de tournage, deux jours de montage, un jour de mix. Ouais. J'essaie d'être, tu vois. Et puis l'écriture, après l'écriture, ça prend le temps que ça prend, on sait jamais. Oui. Ouais, mais voilà. Vous avez fait une vidéo, les gars, là, à Paris et Marseille, où vous jetez contre les panneaux et tout, là. Ça prend plus de temps à tourner ça. Non, c'était vraiment une journée. Ouais. On est allé à Marseille, on a fait l'aller-retour dans la journée, on est revenu avec des bleus. Une journée de souffrance. Ah ouais, attends, vous êtes fait mal. Vous êtes fait vraiment mal, non? Ouais, il y a l'épisode à Paris où McFly pète une vitre. oui, exact. Vraiment. Mais il y a, d'ailleurs, vous voulez une exclue ou pas? Oui. Bien sûr. Et bah alors je vais vous en donner une. Jean-Marc Morandini pour sans jamais la dire. Il y a un nouvel épisode de cette série là où on se prend des poteaux qui sort demain sur YouTube. Et on vous laisse deviner où c'est. C'est dans une ville de France. Non. Non. Paris. Non, c'est pas en France. Tu n'as pas suivi, tu dégages. On le surnomme 4 sur 20. La Belgique. Non. Non. La Belgique n'est pas une ville. Non. Mais c'est non. Ah, Singapour. Non. Miami. Plus non, près, c'est plus pas près. Si loin. C'est pas si loin. Lisbonne, je sais pas moi, il y a beaucoup. Londres. Oui. Ah, c'est fort. Vous faites peur aux Anglais, quoi. Ouais. C'est ça. Ils ont moins peur, les Anglais. Ils sont cool. Ils sont plus marrants. Du coup, vous êtes bilingue. Exactly. Absolutely, lady. Yeah, man. No problem. You got it. Énorme. Bah, soyez là demain sur leur chaîne. Là, il y a le prank. On peut appeler ça un prank. Le dire en plus avec cet accent. Pour l'instant, on a beef et on a prank. Et prank. Retrouvez la nouvelle émission, le Night Show avec beef et prank. Le prank. Ouais, un happening, oui. Ça le happening, là-dessus. Pas mal le happening qui sort demain. Voilà, Jean-Charles, tu seras là demain pour le voyage. Oui, bien sûr. Bien sûr, carrément. On t'embrasse, JC. Salut. Merci. Je vous adore. Continuez comme ça. Nous sommes là. Bon, les amis, on vous l'a dit, là, il y a le Prime spécial Parodie 2 qui sort demain. Ce sera sur W9 à 20h55. Ouais. En gros, si j'ai bien compris, il y aura des parodies d'émissions style Danse avec les stars. Carrément. Un dîner presque parfait, tout ça. Il y a des sketchs que vous connaissez déjà, mais que les gens à la télé connaissent moins. Mais il y a surtout plein d'inédits qu'on a tourné pour l'occasion. Des parodies, des sketchs. Il y a en fait tout ce qu'on fait d'habitude, mais pour la télé. Et de la parodie musicale aussi. On parodie Kenji. C'est l'exclu, tout ça. Oh, attention. David Guetta aussi. Oh, il en prend un peu. Nicki Minaj, tout ça. Ouais, ça va être cool. D'accord. Alors nous, on a décidé de faire un truc dans cette émission pour annoncer quand même ce Prime événementiel. Mm-hmm. Chaque membre de l'équipe a créé un jingle pour vous. Un jingle qui lui ressemble, qui lui correspond. Vous allez lire le meilleur jingle, ok? Ok. Excusez-nous. On va commencer par Anso. Alors Anso, elle a une particularité. Elle fait très bien la voix d'enfant, la voix de petite fille. Salut! Et du coup, elle a tenté un jingle comme ça. Écoutez, moi je trouve ça pas mal. Coucou les copains et les copines! Et ben moi, demain soir, j'ai demandé la permission de minuit à mon papa et à ma maman pour pouvoir regarder la grande soirée Golden Moustache sur W9. Et surtout qu'après-demain, c'est mercredi et qu'il n'y a pas d'école et ça va être super chouette. Et il faut tous regarder W9, sinon je te casse la gueule à la récré. Pas mal, hein? C'est génial. Tu sais ce que j'ai envie de dire à cet enfant? Oui. Va jouer sur l'autoroute. Attends, les gens trouvent ça hyper mignon d'habitude. Non, il me fait super peur. C'est Burr. Arrête, hein, méchant chat. Elle le fait bien quand même, hein. Non, c'est pas super. Mal. C'est très Burr. Ok, on va voir ce que ça donne avec Amir ici présent. Alors, Amir, lui, il aime bien faire le DJ, tu vois, un peu la voix comme ça. Ouais. Moi, je suis pas fan, mais vous allez me dire, peut-être que ça va vous plaire. Moi non plus, hein. Moi non plus. 1, 2, 3, top, c'est parti. On balance 15 000 watts de puissance lumineuse. 50 000 watts de puissance sonore, bébé. On allume le tube catho. Le tube cathodique, bien sûr. On s'installe confortablement dans son canapé. On appuie sur le bouton 9 de la zapette. Moustache affûtée. Jogging repassé. On met les claquettes aux pieds. Et c'est parti pour une soirée de franche rigolade. En compagnie du Golden Moustache sur W9. Pas mal. Sponsorisé par l'année 1996. Incroyable. Boris Soirée Disco, quoi. Du coup, vous nous dites licenciement, pas licenciement. Directement licencié. D'accord, très bien. Il retourne à Tourcoing. D'accord. Dans une boîte pourrie. J'ai très peur avec le prochain parce que le prochain, vous le connaissez pas en fait. C'est un personnage de cette équipe qui s'appelle Pépère. Pépère est le personnage sans limite. Il a vraiment aucun tabou, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Et du coup, il a voulu tenter le jingle. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Ah oui. Ouais. Eh ben, bonne chance. Bah, Pépère, lui, demain soir, il va pas manquer la soirée Golden Moustache avec Mémé, hein, parce qu'il adore les pommes Golden, il en rend tous les soirs dans la chatte. Par contre, Pépère, il a pas W9, hein, il a WC parce qu'il adore s'ébranler dans les chiottes. Oh là là, Pépère. Voilà. Ça, c'est Pépère. Ah, c'est bien, top. Pépère, tu vas aller loin dans la vie. Il adore se prendre les dents, c'est bien, mais j'aime bien, moi. Mais il fait que ça dans l'émission et les gens l'adorent. Je le dis. Ah, oui, les gens, ouais. Bah, les gens aiment bien les gens sans limite comme ça. Parce D'accord. que moi, personnellement, en fait, je me suis branlé pour la première fois, c'était il y a deux semaines. Il y a deux semaines, ouais. Ah, parce ouais. qu'en fait, je croyais que j'éjaculais pour dire franchement, mais en fait, je pissais depuis le début. Il y a deux semaines, j'ai fait. Ah, ouais, d'accord. Et tu m'as envoyé un snap d'ailleurs, ouais. J'étais avec ma famille à ce moment-là. Et t'es quand même pas fut-fut, hein, du coup. Je serais pas jusque-là. J'ai envie de dire moyen. Biff et prank. C'est con, mec. Bon, du coup, on prend qui? On prend Pépère, on prend Amir ou on prend Anso? Anso direct. Ah non, t'aimes pas l'enfant, aussi, l'enfant te fait peur, toi. Non, j'ai... vraiment, c'était quand même le mieux de tous. Anso fait des dessins animés. Ah, ouais, Anso, bravo. Elle s'est donnée en plus. Bien sûr. Elle est mignonne. Merci, salut Anso. Bon, on a encore des questions pour vous. Et puis tout à l'heure, on va rejouer parce qu'on a bossé pour cette émission, les garçons. Hein. C'est beau, on est très bien ici. Il y a Amy de Poitiers qui est avec nous. Bonsoir, Amy. Salut tout le monde! Salut McFly, salut Carlito! Salut Amy! Je suis fan de toi sur Facebook! What? Non mais vas-y, t'inquiète. Ne notifie pas. Pardon. D'accord. Du coup, t'as ruiné ma question. Excuse-moi. On fait comme si on n'avait rien entendu. Voilà. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Voilà, c'était ma question. Allez, salut. Non, je rigole. Ah, non, je déconne. Vas-y, chérie, fonce pour ta question. Alors, ma question, c'est bah, déjà, j'adore McFly, j'adore Carlito. Je vous aime tous les deux, tous très fort et je suis trop fan. Et en fait, j'adore votre question, votre chanson, pardon, Badass. Elle m'a trop fait marrer. Et toutes les autres, d'ailleurs. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que vous allez sortir un album? Parce que ce serait vraiment génial et que je l'achèterais direct. Eh bah, ben, c'est une très bonne question. On y travaille, oui. Ah. On va pas, il y a rien de signé pour l'instant, mais on a très très envie de le faire. Ouais. Moi, ma réponse était, c'est dans les bacs, frère. Ah ouais. Heureusement, dommage que tu l'aies dit, du coup. Parce que attendez, super. Mais du coup, les gars, s'il y a album qui sort, ça veut dire tournée mondiale. Oui. Ouais. Essentiellement dans le Bénédux. Dans le même, dans le même marque que l'autre là. Avec moi. Ouais. Non, mais c'est une vraie info. Il va vraiment y avoir un album. On a très envie de le faire. Ouais. Franchement, on a très envie parce que voilà, on a plein de chansons. On a envie d'en faire aussi. On a envie de se concentrer pour faire vraiment un truc cohérent sur tout un album. On a moyen de développer ça. Il n'y a pas eu depuis longtemps de vrai album marrant de bonne qualité en fait. D'accord. Avec des chansons qui sont pas juste marrantes, mais qui sont aussi très stylées. Franchement, le dernier souvenir qu'on a, c'était Fatal à l'époque, ouais. Avec son album qui était mortel. Ouais, et ça mais manque en fait. Ça manque un peu, ouais. Eh ben cool. Eh ben voilà, Amy, ça va arriver normalement. Oh ouais, c'est génial les gars. Je vais faire la moitié de vos recettes. D'accord. Amy, tu te drogues? Non. Régulièrement. Eh bien, ne le fais pas. Amy, non. Moi, j'aime pas la drogue. C'est pas bien la drogue. Par contre, si vous voulez, j'ai une adresse d'un fournisseur de champignons. Oh. Non, non, ça va aller, chérie. Mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Amy, moi, je vais bien des cèpes après, mais bon. Amy, on t'embrasse, ma chérie. Ah, je vous fais des gros bisous, je vous aime tous. McFly, Carlito, je vous adore. Vous êtes les meilleurs. Elle est beaucoup trop tout amour, Amy, hein, ou c'est moi? Bon. MDMA. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va jouer à un jeu qui s'appelle le 1, 2, 3 Prout. Ah ouais. Voilà. Donc si vous connaissez pas, vous faites ce que vous voulez de cette info. On va tout vous expliquer dans un instant. Restez là. Et puis pour le son tout de suite, on écoute Richard Orlinski avec Eva Simons. C'est tout de suite Heartbeat sur Fun Radio. Where is all this going? I don't wanna hold back. I don't wanna let you in. Rushing on a feeling. Chasing fireflies, I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. Where there's a heartbeat sound. Show, il est 23h01 et ce soir nous sommes en direct avec deux invités de qualité. C'est McFly et Carlito et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. On va vous lire, on va lire les questions avec le hashtag Le Night Show. Continuez. Ça va les gars ? Ça va très très bien. Alors est-ce qu'on s'entend bien là ? Parce que vous avez des petits soucis de micro, tout ça. Est-ce qu'on est bien ? On est nickel. Là vous êtes au top. Moi j'ai l'impression qu'on s'aime tous très fort et qu'on va tous finir tout nus. Et bah justement, je fais bien de parler de ça parce que j'avais quelques questions pour vous. Ah. Vous avez fait une chanson qui a pas mal buzzé, ça s'appelle Il a mis mon sexe, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Du coup, je vais vous poser des questions sur votre sexe et vous allez devoir me dire lequel d'entre vous l'a déjà fait. Soyez très franc, très honnête. Okay. Ce sera moi tout. Moi, pour le définir, j'utilise souvent le mot violet. D'accord. Ce que vous voulez. Le chiffre. Alors, la couleur. Lequel d'entre vous a déjà mis son sexe dans le verre ou dans le plat d'un pote ? Ah oui. Évidemment, mais vraiment, c'est fou. Alors, évidemment. Très régulièrement. À la cantine d'Albert Camus à Bois-Colombes, bien sûr. Sur Charles d'ailleurs, Charles Bézard. Charles Bézard. Les deux l'ont fait. Lequel d'entre vous a déjà mis son sexe dans une personne beaucoup plus âgée que lui ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, qu'est-ce mais attendez, que c'est plus âgé ? Beaucoup plus âgé, on tape sur. Ah non, 10 ans déjà, c'est pas mal. 10 ans, ouais. Ah non, parce que moi j'ai mis dans des fossiles, donc à ce moment-là. Tu parlais de ça. Non, ah oui, non, effectivement. Non, mais 10 ans d'écart. Ouais, 10 ans de plus. Non, bah oui, alors à ce moment-là, évidemment. Ouais. Ok, les gars. Bah, attends, ça veut dire que ce serait potentiellement une femme, puisque je suis hétérosexuel. Oui. Une femme de 40 ans. Oui, ça va, ça passe. Impeccable. Moi non, par exemple. Mais... Toi non, d'accord. D'accord, McFly. C'est juste une info. Tu devrais y penser parce qu'il y a une certaine expertise. Oui, exact. Mais je suis vraiment marié et j'aime tellement ma femme. C'est vrai. Oh, c'est mignon, c'est vrai ? Bah oui, non, mais toi, t'es un beurre. Lequel d'entre vous a déjà mis son sexe dans une personne connue ? Alors, j'ai couché avec Will Smith. Ouais, c'est ça, hein, je me souviens également. Après, j'ai eu une relation avec Penelope Cruz pendant 6 ans. Ouais. Donc, voilà, elle était un peu. À la fin, elle voulait trop de sexe. Trop de sexe. Elle était là, allez, vas-y, donne-moi. Je me rappelle, ouais. Je peux pas toujours donner comme ça. Tu vois, l'humour pour pas dire la vérité. C'est ça. On ne le saura pas, mais c'est le secret. Moi, je vous le dis. L'école Jean-Luc Reichmann. Moi, je vous le dis, je les vois. Ils ont les yeux qui pétillent. Je pense que ça a pécho de la meuf connue. J'en suis sûre. Lequel d'entre vous a déjà mis son sexe en fond d'écran sur l'ordinateur d'un pote ? Oh là là. Alors, déjà, au CDI. Vraiment. C'est ça le problème. Il y a plein d'ordi et on l'a vraiment fait très souvent. Eux aussi. Aujourd'hui, il y a des outils comme Snapchat qui permettent de le faire beaucoup plus aisément. Ouais, d'ailleurs, arrêtez de nous envoyer vos tubs. On peut plus avec Marion. Ouais, les gars, on reçoit que ça. Arrêtez. Ça, c'est pas cool. Bon, désolé. Envoyez-les à moi. Lequel d'entre vous a déjà mis son sexe dans le mauvais trou par erreur ? Ah oui, bah oui. Non, les gars, vous pouvez pas faire ça. McFly, il a fait. McFly, qu'est-ce que quoi ? Par erreur. Non, mais McFly. Oh, pardon, excusez-moi, madame. Excusez-moi, d'ailleurs, vous passiez, vous étiez juste en train de. Vous descendez à quelle station ? Non, mais c'est impossible. Si vous avez bien fait poissonner votre ticket, c'est bon, vous pouvez passer. Non, moi, je suis d'accord, c'est techniquement impossible. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà raconté cette histoire. T'as essayé de mettre ton pénis dans. Ça n'a aucun sens. Non, un homme s'est trompé soi-disant de trou involontairement. L'alcool. Voilà. T'avais envoyé une lettre commandée quand même 2 semaines avant pour t'annoncer. Il a pas reçu, c'est tout. Lequel d'entre vous a déjà mis son sexe dans une baguette de pain pour faire un hot dog ? Non, ça c'est dégueulasse. Non, mais dans plusieurs aliments. Enfin, bah, la particularité c'est que Carlito peut mettre des trucs dans son sexe. C'est l'inverse. Alors ouais. Moi je mets mon sexe dans des trucs et lui on met des trucs dans. J'explique. C'est vrai. Oui. C'était en cours d'histoire avec Madame Virard et il venait et squattait le cours. C'était déjà pas dans sa incroyablement conceptuel. Et pour le faire rire, j'avais mis une gomme dans mon. Dans mon prépuce. Le mot c'est prépuce. Ouais. Et il a un prépuce très développé. C'est vrai. Et vraiment, et on peut mettre. Mais t'as mis des trucs dedans. J'ai mis beaucoup de choses. Ça peut être pratique maintenant que les sacs plastiques sont plus autorisés dans les supermarchés. Ah, mais moi, je demande pas de doggy bag au resto. Non. Attends, mais excusez-moi, mais ça choque personne que le gars s'est mis des gommes dans la tub. Là, tout le monde dit ah bah ouais. Alors, attention, des gommes MAPED. Ok, tout de suite, c'est beaucoup plus cool. C'est sûr. Lequel d'entre vous a déjà mis son sexe à l'air libre, genre délire naturiste, tout ça ? La vérité. Alors là, bah vraiment courir. Pour des vidéos en l'occurrence. Donc, oui, courir vraiment. Nu, vivre nu. Oui, ah non, bien sûr. Mais... Oui, il y a des vidéos sur internet de vraiment de nous nus. Oui. D'accord. Et enfin, lequel d'entre vous a déjà mis son sexe dans quelqu'un du même sexe que vous? Et non, non. Toi, mais non, non, mais moi, c'est très bien. Je suis très heureux. Non, non, j'ai pas. Ça va, tout le monde. Bah non, mais moi, je j'accepte. Mais non, mais en vrai, faut tenter, pourquoi pas. Ah, mais oui. Carrément, faut tenter. Moi, j'ai déjà eu des aventures avec des hommes. Ah, ouais. Ouais. Bah, je suis content de l'apprendre ce soir. Carlito. Mais pas trop. Ah, pas trop. Pas de fornication, tu vois. Ah, des bisous. Des bibous. Oui, mais il y a quelque chose entre le bibou et la fornique. Ah, bah oui, effectivement. Il y a la tendresse, il y a plein d'autres trucs. D'accord. Ok, non, moi, non, désolé. Mais écoute, c'est pas grave, mec, tu sors. Je suis désolé, je suis désolé. Il y a Léo de Nantes qui nous a appelé et qui a une question pour vous. Bonsoir Nantes. Bonsoir Carlito, bonsoir McFly. Salut Léo. Ça va? Moi je voulais savoir si vous étiez déjà pris un violent râteau. Ouais, oui. Ouais, si, oui, bah si, enfin si, vraiment des peines de cœur énormément. Tu parles d'un vrai truc profond ou d'un petit truc petit truc, mais cocasse quoi. Mais ma vie, j'étais un jardiland hein, avant de faire des c'est vrai que tu es internet, pur, hein. Toi, tu es un ange. Donc c'est je me suis pris vraiment des râteaux toute ma life. Avant, j'étais vraiment le petit gros en jogging que personne n'aimait avant. Oh, burr. Non, est-ce que c'est burr? Bah, du coup, j'arrive pas à définir. Mais, ouais, non, mais Léo, si t'es inquiet, en réalité, on s'est tous pris des râteaux. Je passe ma vie à me prendre des râteaux et on le vit bien, Léo. Ouais, mais la larme qui coule quand même là, tu peux. Mais je chiale du sang. Oui, ça arrive à tout le monde. Et on dit souvent que l'humour ça aide, mais pas tant que ça, je crois en fait. Si. Bah, non, attention, moi j'ai vu des mecs vraiment pas très beaux mais très marrants arriver à ah oui, l'humour c'est le principal. Extrêmement, extrêmement belle. C'est bien évident, sûr. On le dit tout le temps d'ailleurs. Léo, t'es drôle comme mec? J'essaye. C'est déjà bien. Non, t'es pas drôle, laisse tomber. Non, arrête. Bon, voilà, Léo, ils ont pris des râteaux comme tout le monde. Bien sûr, mec. Ouais, oui. Ok, bonne soirée à vous. Bisous, Léo. Bisous, bichon, il est mignon. Il repart avec sa réponse sous le bras, le petit chat. Il a noté, il dit non. Ok, il y a Lucas de Lyon aussi qui est avec nous. Bonsoir, Lucas. Salut l'équipe, salut Carlito et McFly, ça va ? Salut Lucas, j'ai envie de dire, ouais, voilà, c'est Lucas, moi je fais bon. Des mots. C'est très très bon. Alors Lucas, raconte-nous, qu'est-ce que c'est que cette question ? Alors moi j'ai une petite question, je voulais savoir c'est quoi le pire Snapchat que vous avez reçu et le pire que vous avez envoyé. Le pire Snapchat ? Alors, ouais. Le pire Snap, si vous voulez savoir, vous connaissez Adrien Méniel, c'est un mec de Golden Moustache. Tu vas vraiment le livrer à l'antenne. Oui, on connaît. C'est un très bon mec, très très drôle, brillant, mais dans les Snaps, il a plus de limites. Ah oui, non, vraiment. Alors, mais il a fait quoi ? Quand tu le vois, il est très rigoureux, très intelligent. Ah non, je peux pas vous donner les détails. Non, je peux pas, mais il a un sexe en forme d'enfort. Voilà, il a un sexe. Et donc, en forme de quoi? Et sinon, d'enfort, en forme d'ortie. Voilà. Ah ouais. Une enfort, vous voyez, une enfort. Ah oui, ouais, il doit détester. C'est un jar, c'est un bro. C'est un récipient finalement. et sinon, il y a Flaubert aussi que vous connaissez de Golden Moustache. Beaucoup de snaps. Au moment de faire caca. Voilà, ouais. Et au moment, et même après, très précisément, très zoomé. Des choses bien matures, quoi. Sur la merde, sur la merde, finalement. Voilà. Bah, d'accord. Ils vont être contents chez Golden Moustache que vous soyez passé sur Fun. Oui, c'est sûr. C'est cool. Ouais, voilà. Voilà, Lucas, tu as ta réponse. Ok, ouais. Et toi, Lucas, c'est quoi le pire truc que t'as envoyé? J'ai pas spécialement de. Lucas, tu n'envoies pas ta teub, rassure-moi. Non. Non, mais ça, c'est nul, les mecs. Franchement, ça me déprime. En vrai, ça me déprime. Ouais, non. Oui, c'est très. Et puis après, on fait des screenshots, on voit pas le bordel. Lucas, on t'embrasse. Moi aussi, bisous. Bisous. Salut. Bon, les garçons, on est donc tombés sur une de vos vidéos. Vous testiez le jeu 1, 2, 3 prout. Dans une bibliothèque notamment ou dans une salle de sport. Alors, en fait, le 1, 2, 3 prout, on est d'accord, c'est une sorte de petite machine qui fait des proutes, mais c'est aléatoire. Voilà, une machine en forme de caca. Voilà. Voilà. Bah, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chacun votre tour, vous allez devoir appuyer sur le prouteur. Mm-hmm. Et celui sur qui le prouteur pétra, j'ai honte, hein. C'est fou de dire ça. Devra relever un défi. Et puisque vous faites partie du collectif Golden Moustache, sachez que tous les défis ce soir auront un rapport avec la moustache. C'est brillant. Très très bien. Très bravo. Eh bien, j'ai envie que Carlito démarre. Okay, allez-y, vous enchaînez les gars, chacun votre tour. Et que ça proute. Hein. Je me lance dans le prout. Vas-y. Non. McFly. Non. Carlito. Oh, j'espère que ça va pas durer 6 ans. McFly. Carlito. Oh, non, McFly. Carlito. McFly. Ce jeu est très bien. Carlito. Oh là là, McFly. Ce jeu est cassé. Carlito. Carlito. J'aurais pas dû parler. Carlito. Alors Carlito. Qu'est-ce qu'il a, Carlito? Aïe. Laissez mon corps tranquille. Alors Carlito, ton adversaire va devoir boire un cappuccino en fait, un cappuccino que McFly. Je n'ai même pas ramassé. Donc vous aviez un super défi, je viens d'éclater le défi. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un autre défi. Attends, parce qu'il y a McFly qui vient de renverser le cappuccino. Je suis heureux. J'adore votre émission. Attends, il a tenu 3 secondes. Le mec me l'a déposé. Bon. J'ai dit, allez, je vais essayer de le prendre tomber tout de suite. C'est pas grave, on avait d'autres défis sous la jambe. Ok, sous la jambe, bien Carlito, sûr. Carlito, tu as 20 secondes pour trouver une chanson interprétée par un moustachu et la chanter. Dépêche-toi, tu as 20 secondes. 1, 2, 3, top, c'est parti. Il était joli, le radeau de la méduse, ce bateau. Ah ouais, je me suis mort. Les copains d'abord, Georges Brassens avec une moustache. Brassens, très très bien, bravo Carlito. Bravo. Bravo. Bravo. Avec les mauvaises paroles et chantez faux. Et en plus, je vais dire Georges Brassens sur Fun Radio, mais c'était pas tous les jours. C'était ça un peu le délire. Et ça, c'est sur Dance Floor finalement, Brassens à son époque. Attention, nouveau défi, c'est reparti les garçons. McFly commence. Allez. Carlito, McFly, Carlito, McFly, Carlito. McFly, Carlito, McFly, Carlito. Ah, c'est truqué. Amenez-moi un cappuccino. Carlito. Ah là là, ça c'est dur. Quoi? Carlito, il est dur celui-là. Ah bon, pire que Brassens. Il va devoir manger une golden moustache. Donc manger une pomme golden où l'on a collé des bouts de moustache de Pablo, notre stagiaire. Je vais m'étrangler. C'est la meilleure émission. Ça va prendre du temps. Non, mais t'es obligé de la manger en entier. Mais écoute, je mange là où il y a la moustache, j'imagine. Je vous préviens que les poils de moustache ont été fixés à base de miel. Ah, c'est plaisant. Ouais. C'est plaisant. Du miel bio. Je vous explique quand même. Il y a une vraie pomme avec une moustache dessinée en poils dessus. Je vous jure qu'il y a des vrais poils. C'est ignoble. On va tout vous le filmer pour la chaîne YouTube. Ce sont des poils de pubis. Non, de moustache. De moustache, Carlito. De Salma Hayek, j'aurais accepté. Ok. Allez, un croc. Ah, il le fait, hein. Attends, il le fait. Oh là là, vrai des poils. Oh là là, il ferait, hein. Et McFly le fait aussi. Et c'est là où ils sont forts. Pas vrai, hein. Ah, super, bravo. Carlito avait du poil sur le pouce. Oh hein, mais les gars, vous êtes. Ils sont sans limite. Il y a la moustache dans la trachée artère. Mais ça passe, hein. Infâme. Bon, on va laisser les gars s'en remettre un peu. Ouais. Vous nous appelez 01 42 48 5000 si vous avez. Les gars, bougez pas. Non, bouge pas. Je crois qu'ils vont bouffer toutes les moustaches de toute l'équipe, en fait. C'est délicieux. Restez là, c'est Marion et Anne Soul Night Show. On est en direct avec vous comme chaque soir jusqu'à minuit. Et tout de suite pour le son, on écoute Sigala sur Fun Radio. Maybe selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Give me.

Je suis chiant pourquoi, sur quoi? Pourquoi moi je suis chiant? T'as dit que j'étais chiant. Non, mais je dis ça parce que je pensais que t'allais dire que j'étais chiant aussi, c'est pour ça. Par exemple, le plus susceptible, celui qui prend le moins. Moi, je prends rien mal, ok? Me fais pas chier! Ok. Bah, attends, sincèrement, susceptible, c'est vraiment moi. Ça, c'est toi, Carlito. Ah ouais, ouais. Ah ouais, je suis chiant. Ok. Ouais. Celui qui est tout le temps à la bourre, qui respecte pas les potes comme ça. Non, on est clean là-dessus. Ouais, non, on se tire bien. T'es un peu à la bourre des fois, mais enfin, je veux dire, on se. Ouais. Ok. Quoi. Et ça m'énerve, ça! Et celui qui plante, qui dit ouais, je viens aux soirées, mais en fait, il plante, il vient pas. On ne fait plus de soirée plus depuis de soirée. 2001. C'est fini. Car non, on a des enfants. On a vraiment des enfants. D'accord. Et des soirées, on les passe avec nos enfants. Ah, sauf celle-là qu'on vous couvre avec. Donc vous rendez-vous. Oh, si gentil. Tu veux, je peux taper papa. C'est ça, s'il te plaît. Bon, bah voilà, Mathilde, ils sont pas chiants globalement. Non, franchement, en fait, la vérité, pour tout dire, c'est qu'on est amis depuis vraiment plus de 10 ans. Et donc, on a eu le temps de se connaître et de passer plein d'épreuves d'amis. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est assez bien équilibré, quoi. On se comprend très vite, on connaît les trucs de chacun et on sait vivre ensemble, quoi. C'est beau. C'est ouais, bon. C'est vrai. Mathilde, ouais, bravo. Mathilde, du coup, dors avec ça et dors bien. Fais de beaux rêves. Merci. On t'embrasse, ma belle. Bisous. Gros bisous. Bisous, les garçons. On a de la réaction sur les réseaux là pour vous avec le hashtag Le Night Show. Amir, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, les gens? Alors, il y a Valentin31 qui voulait savoir pourquoi Golden Moustache. Ah, cette fou. Question éternelle. Ouais, on ne saura jamais. Parce qu'on n'était pas à la genèse du nom. Hein, nous non, encore, on est arrivé mais... un peu plus tard, ouais. Mais surtout, le running gag, c'est de jamais répondre à ce truc. Oui, c'est vrai. Il faut que personne ne sache. Moi, je sais. Mais en vrai, vous savez vraiment? Non, franchement, non. C'est assez sombre. Je sais que le patron de Golden Moustache, Adrien Labastire, avait une moustache à l'époque. Oui. Et il était extrêmement riche. Donc peut-être qu'il y a un, peut-être qu'il y a un rapport. Non, je sais, peut-être que ça pas. Sonne bien aussi, je sais pas. Bon, ouais. Non. Voilà, il faut garder le mystère, mon pote. Je crois, ouais. Mathéo demande si vous avez des plans sur, pour le ciné. Bah, ouais, bonne question. Les Suricates, oui, en l'occurrence. Tu sais, il y a eu les Suricates qui ont fait un film ouais. Et qui ont fait Les Dissociés, qui est sorti donc sur la chaîne YouTube. Et du coup, forcément, ça a excité pas mal de monde. On peut y voir vachement Carlito dedans, qui est un super rôle, qui joue le grand méchant. Mm-hmm. Et en gros, voilà, ça a excité pas mal de producteurs et tout. Donc, ça risque d'arriver, oui. Ok. Et puis, Valentine qui demande la pire phrase d'un fan dehors. Non, franchement, tu sais quoi? Je l'ai eu l'autre jour. Ah bon, t'en as une? Bah oui, moi, je voulais juste dire les fans, entre guillemets, on a la meilleure cible. Non, mais c'est fou. Genre, c'est entre 14 et 20 ans, tout le monde est cool. Franchement, c'est dingue. Tu vois ce que je veux dire? Personne vient t'embrouiller sur un truc, c'est juste trop sympa, assez court en général, hyper cool. Très, très, très bonne vibes. Les meilleurs gens. Le plus marrant que j'ai eu, c'est un jour, une meuf qui m'a arrêté, qui m'a dit: salut, c'est toi qui as fait un Vine? Génial. D'accord. Donc j'ai dit oui. C'est mignon quand même. C'était mignon, tu vois, c'est quand même très cool. Bon, on continue avec le hashtag Le Night Show. Il reste là jusqu'à minuit. Si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Nous avons Eric maintenant d'Orléans. Bonsoir Eric. Salut les filles. Salut Carlito. Salut McFly. Salut Eric. Ça va Eric? Ça va, ça va. Alors toi, t'appelles pas du tout pour eux, t'appelles pour un souci. Ouais, j'appelle pour un souci parce que moi, à chaque fois que je sors avec une meuf, c'est tout le temps une folle. Enfin, je sors tout le temps avec des folles. Je vais être un aimant à folle. Mais c'est quoi une folle? C'est-à-dire qu'elles font quoi, les meufs? La dernière en date, je sors d'une relation, là. Elle arrêtait pas de penser que je la trompais. Mon téléphone, elle l'espionnait tout le temps. Facebook, c'était pareil. Dès que j'avais une application de messagerie, elle doit être supprimée parce que... Eric, c'est pas être folle. Ça, c'est juste qu'elle a pas confiance en elle. Donc, elle a l'impression que tu peux aller voir ailleurs... Ouais, enfin, c'est de la parano, quoi. Je pouvais pas avoir une application de messagerie parce que non, tu vas envoyer des messages sans que je le sache. Enfin, c'était. Ouais. Les gars, est-ce que vous êtes déjà tombé comme ça sur une nana un peu psycho? Moi, ça m'est arrivé possessive, un peu jalouse. Il y a du bon dans la jalousie, tu vois. Oui, mais moi, c'était un peu relou, ouais. Mais comment dire? Il fallait savoir à quelle heure j'allais arriver, tu vois, des trucs comme ah ça. Ah ouais, genre elle t'espionnait, elle te traquait. C'était dans ce sens-là, c'était relou. Mais pourtant, t'avais pas fait une connerie, tu l'avais pas trompé ou quoi? Non, c'était un peu du manque de confiance en elle, en l'occurrence, c'est vrai. Oui. Ouais, mais c'est ça peut être chez certains mecs un manque de confiance. Enfin, les filles qui n'ont pas confiance dans les mecs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les mecs en général, faut vous dire que n'hésitez pas à rassurer vos copines. Faut y aller. C'est pas grave. Oui, tonton McFly. Franchement, vous confirmez des petits textos le soir, des petites photos, mais des trucs d'amour en fait, plein de preuves d'amour. Une fille, ça a besoin d'être arrosée comme une fleur. Oh là là. Non mais c'est vrai ce que dit McFly parce qu'il y a jamais de SMS de trop. Ah oui, non. Si, parfois c'est lourd. Je suis désolée de représenter les filles qui ont besoin de liberté, mais trop d'amour. Non, mais c'est vrai que j'ai fait une généralité. Il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver, mais avec, disons que certaines filles qui ont ce pendant-là, faut pas hésiter à y aller avant, à prendre les devants, en fait. C'est surtout pour Eric, c'est ça? Ouais. Je disais ça. N'hésite pas à prendre les devants. Et en fait, si tu t'en donnes un peu trop, toi, au début, bah, peut-être qu'elle aura moins besoin. et que du coup après bah elle aura plus besoin d'aller checker ton et portable. Et voilà Eric, comme ça tu pourras aller niquer tranquille d'autres nanas. Très bonne morale. Wow. C'est exactement ce que je voulais dire. Eric, McFly a raison, je pense que si tu attires ce genre de filles, si t'as l'impression d'être un aimant à folle comme tu dis, c'est que toi à mon avis tu leur donnes pas assez. Donc les filles elles paniquent, elles stressent et forcément bah elles te font pas confiance et elles te traquent. Mais oui, moi. Ouais, il y a ça, mais il y a des mythos aussi. Celle d'avant, c'était juste une mytho. Elle me racontait qu'elle bossait, qu'elle arrêtait pas de. Elle était surchargée de boulot, en fait. Elle était juste au chômage. Eric, sur les mythos, on a Amir des réseaux sociaux qui est tombé sur une grosse mythomane. Ouais. Et qui pourra te dire que la solution, c'est le. Bah, la rupture. La rupture, hein, ouais, voilà. Bah oui, c'est ce que t'as fait. Ah oui, il faut arrêter. Moi, elle m'avait menti. Elle avait dit qu'elle avait le permis, qu'elle avait une voiture et tout. C'était faux. Et puis elle m'avait dit qu'elle avait le bac, le BTS, etc. Et en fait, elle avait même pas le brevet. En fait, elle avait rien. Ah, elle voulait peut-être ça. Elle voulait être cool à tes yeux. Ouais, je sais pas. Ouais, mais enfin là, ouais, voilà, c'est too much. Bon, Eric... Moi, une fois, une meuf m'a menti. Elle m'a dit qu'elle avait eu 17 sur 20 alors qu'elle avait eu 16,5. Putain, mais oh là ça, là. C'est honteux, ça. Mec. J'ai tout arrêté du jour. Dégueulasse. Ah ouais, ouais, non, mais fini, quoi. Mais Eric, là, t'en es où dans ta vie? Est-ce que là, t'es avec une nana qui est jalouse, c'est ça? Ouais. Ça vient de s'arrêter parce que c'était juste insupportable. Bon, et bah la prochaine, tu suis les conseils de McFly, tu la rassures à mort, t'essayes d'être un mec bien, de lui envoyer plein d'amour, plein de messages et tout, et normalement ça devrait le faire. Ouais. Bah je vais essayer, mais au bout d'un moment, si elle me saoule, je la vire aussi, quoi, parce que non, au bout d'un moment, c'est saoulant, quoi. Tu sors avec un homme à ce moment-là. Ah oui. Ah, ouais. Ah oui. C'est mon conseil. Ils sont pas jaloux les hommes. Non. Bah, pareil. J'ai pas l'expérience, mais c'est sûr que c'est pareil. Mais oui, Eric. Bon, de toute façon, visiblement, t'es pas le seul dans le cas, puisque il y a des gens qui réagissent pas mal au standard. Donc déjà, on te propose d'être dans l'écoute. Ah. Bien sûr. Ah. Ok, Eric. Je vais essayer de faire ça. Mais Marion, déjà, toi, est-ce que t'as déjà toujours attiré le même type de mec? Non, mais c'est vrai que bah, depuis que je fais de la radio, j'attire pas mal de ce que j'appelle les psychos. C'est pas péjoratif, mais c'est des gens qui ont tendance à t'envoyer énormément de messages avec des tubs. Non, mais en fait, les gens, ils pensent que si je réponds pas à un message classique, la tub va me faire réagir. Mais non, en fait, si je réponds pas, c'est que peut-être je ne suis pas intéressée, malheureusement, même si tu es un garçon très sympathique. Et que du coup, c'est pas parce que tu m'envoies 30 messages plus une tub au passage que je vais répondre. Du coup, voilà, mais ça, je pense que c'est le métier qui veut ça et c'est pas moi, ma personnalité. Mais je dirais ça. En même temps, ta bio Twitter, c'est envoyez-moi des tubs. Oui. Peut-être penser à changer. Peut-être. Il y a Fabrice de Laval qui nous a appelé aussi. Bonsoir Fabrice. Salut les filles, salut tout le monde. Salut Fabrice. Alors Fabrice, dis-nous quel genre de personne tu attires toi? Bah écoute, moi, c'est les vieilles femmes. Ouais, elle m'interpelle, elle me drague. Mais le pire, c'est que moi, j'ai des parents qui sont assez âgés parce que je suis le plus petit de la famille, j'ai 23 ans. Et avec ma voix grave, j'ai toujours eu une voix très grave. Le problème, c'est que les petites vieilles, elles me demandent toujours de filer un petit coup de main pour porter les courses. Et alors, tout ce ça, qu'il faut, ce n'est quoi. Pas du sexe, hein, les filles qui te demandent de traverser la rue. C'est un service. C'est un service à une personne âgée. Non, mais attends. Elle hallucine, elle me drague. Fabrice, non, mais le pire. Fabrice. Oui, je suis là. Comprends bien. C'est quoi la différence d'âge? T'attires des vieilles, mais c'est quoi? C'est des quarantenaires un peu sexy ou c'est que de la petite mamie? Des soixantenaires. Mais non, c'est pas possible, mon pote. 60-65 ans. Mais mes parents, ils ont 70 ans. Tu vois, c'est ça le problème. Mais je vois pas le rapport. Bah si, parce que c'est les amis de ses parents, je pense. Bah c'est les voisins, c'est les amis des parents. Et quand ils me demandent un service, comme par hasard, t'as le mari de la vieille femme qui n'est pas là, et elle me fait un peu du rentre dedans. Je t'assure, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais tu te fais des films. Qu'est-ce que c'est que cette parole bizarre? Je me fais pas des films. Mais si, tu te fais des films. Les petites mamies de 70 ans, je te dis la vérité, elles veulent juste un peu de compagnie. Et voilà, t'es jeune, tu dois être sympa, elles ont envie de kiffer, mais elles ont pas envie de coucher avec toi, tu vois. Eh ben écoute, quand t'as une vieille dame avec un string qui dépasse, excuse-moi, mais bon. Quoi? Mais Fabrice, tu traînes où à Laval pour trouver une nana qui a un string qui dépasse? Dans le quartier à côté de l'église au centre-ville. Non, mais wow. Franchement, il faut pas faire des généralités. Peut-être qu'elles sont. Je t'assure, c'est une horreur. C'est quoi la prochaine fois? Je filme. Et je vous l'envoie en privé. Ok, mais sinon, absolument. Ça vous va? Ouais, mais le conseil qu'on peut donner, Fabrice, sinon, c'est déménage, mec. Hein. Ah, mais je peux pas, je suis encore chez mes parents, je suis encore étudiant. Ah. Bah, envoie-leur des snaps de ta tub. Et puis... On t'embrasse, en tout cas, Fabrice, merci. Gros bisous, salut, ciao, ciao. Bisous. On a Charlotte aussi de Bordeaux. Bonsoir, Charlotte. Salut, les filles. Ça va, Charlotte? Bah, ça va bien. Bon, quel genre de mec tu attires, toi, chérie? Alors. Moi, ça fait un petit moment que je me suis rendu compte que j'attirais que des mecs qui sont déjà en couple. Et voilà, alors Les deux, trois premières fois, je me suis dit, bon, c'est une coïncidence, j'avais découvert par hasard et tout. Mmh. Et en fait, j'enchaîne des mecs qui sont en couple et je m'en rends compte pas tout de suite parce que moi, ça m'attire pas du tout. Et je suis obligée de faire toute une enquête, tout un truc, regarder justement dans leur messagerie, comme j'entendais tout à l'heure, pour vérifier. J'en deviens vraiment psychopathe. Mais pratiquement à chaque fois, ça rate pas. Ils sont déjà, ils ont déjà une nana. Bah ouais, ça arrive ça. Mais est-ce que tu, c'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi? Un peu les deux quoi. Enfin, c'est moi qui les attire, je pense plus. Tu vois quand même, c'est plutôt eux qui font le premier pas. Mais enfin voilà, ils ont pas ça écrit sur le front et je sais pas comment ça se fait, mais j'attire que des mecs qui trompent leur nana. Des infidèles. Bah les gars, qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter ça? C'est chaud, hein? Bah ouais, hein. Mais vous, en tant que mec, est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment des gens de nanas enfin, elles sont repérables, ces nanas avec qui vous avez envie de coucher alors que vous êtes en couple, genre? Oh là là, ce débat est complexe pour des gens mariés depuis longtemps. Non, mais franchement, j'ai jamais fait. Mais effectivement, tu quand même, tu reconnais des gens qui cherchent des relations sérieuses et des gens qui ont juste envie de s'amuser. Ça arrive aussi, et c'est tout à fait, louable. Bien sûr. Et tu reconnais en général, ça se passe par des attitudes aussi. Faut pas, enfin, tu vois, peut-être que t'es trop séductrice un peu, tu vois, sans le savoir forcément. C'est-à-dire que peut-être que tu parles des mecs. J'envoie des ondes trop, mais pourtant je cherche vraiment quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, mais je cherche vraiment un truc sérieux en plus. J'ai pas envie. Peut-être le pantalon léopard aussi. c'est toi la vieille dame avec le string qui dépasse. 70 ans en fait. Ouais, moi je pense que c'est une question d'attitude, ma belle. Il faut pas se prendre la tête, d'accord? Tu vas trouver le bon, mais surtout envoie les bons signaux. C'est-à-dire quand tu te fais draguer par un mec en couple, eh ben tu stoppes le truc direct. Ah mais ça c'est clair, hein. Je continue pas du tout, hein. Ça m'intéresse pas, j'ai pas du tout envie d'avoir un mec qui joue une double vie, mais voilà, je sais pas, j'attire que des mecs qui sont légers ou frivoles, je sais pas, alors que j'ai envie de me poser moi et voilà, donc des mecs arrêtés d'être infidèles, voilà, en plus ça a rien. On t'a entendu, Charlotte. Ouais. La roue tourne. On t'embrasse. La roue tourne. Et surtout, tu nous appelles dès que tu as un mec, du coup, Charlotte. Ah oui. Ouais. Qui trompe pas sa meuf. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, Charlotte. Sinon, on lui balance à l'antenne la prochaine fois. Je chope son numéro à la nana et on le crame en direct. Tu veux d'accord. D'accord, Charlotte. Tu es donc blacklistée. On t'embrasse, ma belle. Merci de nous avoir appelés. Merci les filles. Bisous. Bisous. Bon, restez avec nous, les gars, puisque y a de la question pour vous déjà au standard. Ah oui. Voilà, McFly et Carlito, ils bougent pas. Donc, si vous voulez nous appeler, 01 42 48 5000. Et puis, ça va être l'heure aussi de parler de. Dans un instant, juste après DJ Snake et Justin Bieber sur Fun Radio. Elle a dit cul. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Let me love you. Let 23h35, vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anne-Solo Night Show. Et ce soir, on a deux potes qui co-animent l'émission avec nous, c'est McFly et Carlito de la chaîne Golden Moustache. Alors, grosse semaine pour eux puisque demain, ils seront en prime. Oui. Sur W9, là, pour un spécial parodie 2, avec du très lourd. J'ai vu du The Island, du Dîner presque parfait. En fait, toutes les émissions qui cartonnent, vous allez un peu... Bon, les parodier, les bastonner, quoi. Oui, oui, elles y passent toutes, on peut le dire, elles y passent toutes. Voilà. Ok, et eh ben ce sera cool, on sera là demain soir et on a encore de la question pour vous, les gars. Ouais, c'est Nicolas de Niort. Bonsoir, Nico. Bonsoir, les filles. Bonsoir, les mecs. Salut, mec. Le mec se fait pas chier. Bonsoir, les filles. Bonsoir, les mecs. Vas-y, mon pote. Voilà, je voulais vous dire, les mecs, je voulais savoir combien de meufs vous avez eu à peu près entre 14 ans et à peu près votre âge. Ah ouais. Bah, moi, wow, pas mal. Ça va aller très vite. Bon, j'ai eu 3 meufs dans ma vie, donc c'est réglé. Oh, c'est mignon. Ah, mais toi, t'es un romantique, en fait. Ah ouais, bah oui. Oh, burr. Après, j'ai aussi vachement raté aussi, hein, on peut dire. Ah, mais moi, je suis pareil, donc Moi, je suis pareil. Et bah, ça n'empêche pas d'être heureux. Voilà. Ah bah non, bien sûr. Mais attends, mais t'as quel âge, toi? 19 ans. D'accord, et tu galères? Bah ouais, je galère pas mal, ouais. Oh, je tombe que sur des meufs un peu connes, on va dire. Ah, en tout cas, c'est bien, tu es gentil avec les filles. Du coup, ne pense bien respecter aussi. 19 ans, mec, c'est le début. C'est... Ouais. Attends, ça va, non ? Mais la roue tourne. c'est l'expression tranquille, tu vois. Ça veut dire vraiment, ça, c'est le truc pour les gens qui. Mais c'est la vérité, parce que moi aussi, j'ai galéré comme ça au collège, au lycée, et après, bah, ça s'est débloqué, oui, quoi. Regarde, Nico, moi j'ai 33 ans et je galère toujours, Nico. Ouais, donc tu vois, la roue tourne. T'as pas de mec, toi, pas de mec, moi, les gars. Une super grande roue, là, du coup. Ouais, mais ça se joue, la confiance en soi joue beaucoup quand même, hein. Faut vraiment que tu sois à l'aise avec toi. C'est vrai. Et sûr de toi, peu importe, entre guillemets, les défauts physiques qu'on peut tous avoir, on s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est d'avoir confiance en toi et puis d'y aller très franchement. Tu vas, tu mets une droite, quoi, c'est direct. C'est beau, ça. Hein, lui, ouais, c'est la parole du sage, hein, ce mais soir. Mais oui, mais présente-toi en 2017, mais qu'est-ce que tu fous? Oui, bah, il se présente. Ouais. Et en revanche, Carlito n'a pas répondu à la question. Bien sûr. Combien de meufs, alors? Est-ce que ça, les petites histoires d'un soir, ça compte? Bah, bien sûr. T'as pas le nombre. Je sais pas, 40, 50. Ouais. Mmh. Oh, voilà, si, Nico, ça va. Oui. Ouais, mais moi j'ai 30 ans, hey, gamin, j'ai 30 ans, moi. Non, mais Carlito a bien plus réussi que moi. Hein. Mais ce n'est pas un concours, c'est toi qui viens de le dire. Oui. J'ai perdu vraiment à ce concours. Non. Alors, Nico, il te reste encore 11 ans pour y aller le record de Carlito. Mais ce n'est pas. Ah, ouais. D'accord. Bon, t'y arriveras pas. Mais ouais, ouais. Bah, j'appellerai quand j'aurai une copine, quoi. Alors, ouais, appelle-moi, bien sûr. Au 06 24 21. Et là, je répondrai. On t'embrasse, Nico. Ouais, c'est génial en fait, votre émission. Bah, j'ai écouté dans la voiture et tout, c'était bien. Bah, merci, mon pote. C'est un amour et t'as appelé et là t'es à l'antenne. Bah, merci, Fun Radio c'est génial finalement. Je te kiffe, Nico. On te kiffe. Meilleure radio du monde. Bisous, mec. Il est bon. Il est trop bon, lui. Bisous. On a Damien de Pau. Alors, au standard, les gars, Pau ça s'écrit pas P-E-A-U en fait. Ah hein. Non. P-E-A-U. Faut faire un snap de ça, c'est pas possible. Bonsoir, Damien. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. On se réjouit d'être là. Ah, salut l'équipe, vous m'avez manqué. Alors Damien, pose ta question. Alors, j'avais une question à vous poser. Quel youtubeur vous kiffez regarder sans vous, bien sûr? Ah bien, bonne question. Ouais, c'est vrai, vous regardez quoi sur YouTube? La Beu, on adore. Je parle pour moi, on parle pour nous. Ouais, vas-y. Qui on adore? Antoine Daniel. Ouais, Antoine Daniel, énormément. Ouais, le Whoop, on adore. Les youtubeurs, pas trop juste en précision, tu n'aimes pas la Beu, hein, Jimmy la Beu. Pardon, on soutient et on adore Jimmy la Beu très fort. Est-ce que vous regardez des filles, je sais pas, Natou Les ouais, filles, Natou, on suit Natou, à fond, ouais, le latte chaud. Est-ce que vous regardez aussi des vidéos de Marion Facecam? Arrête, mec, tu vas me foutre la honte. Marion a sa chaîne YouTube aussi. Oui, c'est vrai. Marion Facecam. Oui, enfin, je l'ai lancé il y a pas longtemps. Et j'imagine que tu fais des Facecam. Entre autres, ouais. Mais Marion. Tout à fait. C'est recherché le titre. T'as vu ou pas? On va regarder ça, t'inquiète pas. C'est gentil, merci. Mais voilà, ils suivent un peu tous leurs potes. Non, mais en fait, on suit. En fait, c'est juste que la liste est infinie. Bah oui, c'est ça. Même Beagle, on suit évidemment toutes les vidéos qui sortent. Ouais, YouTube, Thibaut Inchep, on a une grosse passion pour Thibaut Inchep. Ouais, grosse passion. Vraiment. Et Panda Moqueur. En plus, j'ai fait de la promo pour Marion. Ouais. Oui, bah oui. C'est bien, Bichon. Merci beaucoup. Bichon. Damien, ouais. On s'embrasse et puis on se dit qu'on s'aime, quoi. Voilà. Est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr. Non, hors de question. Allez. Vas-y. Mais je t'emmerde. Tu as bien raison. Vas-y. Alors, je vais faire une dédicace à ma chérie et je vais faire une dédicace à toute la famille Fun Radio et tout, et voilà, et toute ma famille. Est-ce que tu pourrais être plus précis, s'il te plaît? Damien, on t'embrasse, on a bien compris, tout pot quoi. Ouais. En plus, on a galéré pour me faire passer à l'antenne parce que j'avais des problèmes de micro. Ah, d'accord. Et quoi d'autre, petite anecdote? Est-ce que c'est la marque du micro, en l'occurrence? Et qu'Anso péchera jamais de mec. Voilà. C'est pas vrai, elle est ravissante comme l'écume de la mer. Malgré qu'elle a Wacha. Ouais, Wacha, c'est mon chat. Damien est très au courant de nous. Ah ouais, d'accord. D'accord. Tu veux le numéro de téléphone? Ben, je voudrais bien sans FaceTime. D'accord. On s'embrasse avant d'appeler la police, Damien, d'accord? On s'embrasse. Allez, bisous à toi, bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio, restez là puisque nous allons parler fion-fion ensemble. Aye. Alors, c'est un gros dossier ce soir et c'est une jeune fille qui veut passer en anonyme. Donc, on va l'appeler Jennifer parce qu'on a beaucoup d'imagination sur les prénoms. Sinon, on peut vous proposer un prénom? Oui, vas-y, si tu veux. Ulrich. Eh bien écoute, elle s'appellera Ulrich et elle est complètement accro au sexe. Donc on va parler de ça, on va faire un débat. Est-ce que vous êtes accro au sexe? Est-ce que vous n'aimez pas le sexe? Vous êtes asexué? Appelez-nous 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Mike Perry sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer. Arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. 'Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into your ocean. C'est le Night Show, Marion et Anso en direct. On est avec McFly et Carlito. Franchement, si vous les connaissez pas, vous manquez quelque chose. Ils sont super sympas. Grave. Et ils sont très drôles. Et ils sont fous. Et moi, j'aime bien les gens fous. Voilà. Ouais. Ça fait kiffer de vous recevoir, les garçons. Vous revenez dans cette émission quand vous voulez. On est très contents d'être là. Ils seront demain soir sur W9. On va se réécouter tout à l'heure. On a fait des petits jingles pour eux, ouais, histoire de vendre l'émission. Lequel vous voulez vous réécouter, les garçons? Anso. Bah non, ils ont envie que j'aille jouer sur l'autoroute avec ma petite. Non, mais c'était plein d'amour, cette phrase. Et puis t'as gagné. Puis c'est bien, c'est sain avant de parler de cul. Voilà. Non, mais okay. Moi, je suis chaud. Allez, on écoute Anso. Ouais. Coucou les copains et les copines. Et ben moi, demain soir, j'ai demandé la permission de minuit à mon papa et à ma maman pour pouvoir regarder la grande soirée Golden Moustache sur W9. Et surtout qu'après-demain, c'est mercredi et qu'il n'y a pas d'école. Et ça va être super chouette. Et il faut tous regarder W9, sinon je te casse la gueule à la récré. Est-ce qu'elle est mignonne? Connard. Franchement, t'es mignonne. Ça donne envie de regarder au moins, tu vois. Ah bah tu vois, si je peux être là pour ça, les gars. Eh ben voilà. Bon, les gars, bougez pas, on va parler que. Alors, on a décidé quoi sur le prénom? Jennifer, Ulrich, qu'est-ce que ça donne? On est parti sur Ulrich. Bah, Ulrich. Non, mais on peut faire un prénom composé. Jennifer Ulrich. Oui. Jennifer Ulrich. Jennifer Ulrich Framboisier. Jennifer, t'es avec nous. Toi, t'es addict au sexe, hein, c'est ça, ma belle? Allô? Allô, oui, Jennifer, bonsoir. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Comment allez-vous?

quicker to the right. Stop looking for your queen and sip on Jack instead. I'm here to run the tables, oh how dare you call my bluff. See, I'm irresistible, kind of unpredictable. Bet you want some action, baby. Suite dans le Night Show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The Night Show. Sur Fun Radio. Oui, c'est vrai, nous allons parler cul avec Jennifer Ulrich qui nous a appelé. Mais avant ça, il y a eu une très bonne intervention d'Amir pendant la pub qui m'a dit, on leur a pas demandé s'ils avaient des envies de faire de la scène. Et c'est vrai. Est-ce que vous avez envie de faire de la scène, les gars? Alors vous tombez à pic puisque il y a quelques semaines on a eu l'honneur de faire la scène du Grand Rex à Paris avec le crew Golden Moustache, tu sais, pour une soirée spéciale. Ouais. Et c'était mortel et ça a bien pris, je crois. Et donc c'est possible, c'est fort possible qu'il y ait une autre exclue ce soir d'ailleurs. Ouais, c'est mais qu'on parte sur les routes, peut-être dans la deuxième partie de l'année. Ah, mais attends, les gars vont faire un album, vont faire de la scène. C'est un truc de ouf, vous êtes partout quoi. Un film. Techniquement, la scène, c'est plus concret, je dirais. C'est assez concret. On essaye de mettre ça en place. Ouais. Ok, bon, bah j'imagine que vous allez tout annoncer sur vos réseaux sociaux et tout quand ce sera vraiment très concret. Uniquement sur MySpace. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts à parler cul? Oui, toujours. Alors, je vous rappelle qu'elle ne s'appelle pas Jennifer Ulrich, on lui a choisi ce prénom puisqu'elle veut rester en anonyme, ce qu'on comprend. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir tout le monde, Anso, Marion, comment allez-vous? Eh bien ça va et toi? C'est cool en tout cas, merci. Ouais, ça va, tranquille. Alors explique-nous, qu'est-ce qui t'arrive toi? Ben moi, je suis accro au sexe, donc depuis que je suis toute petite. Mm-hmm. Donc en pré-ado, quoi, j'ai envie de dire à 13-14 ans. Ah oui, tu fais bien de préciser. Oui, parce que toute petite, bon. Bah c'est déjà limite malsain 13-14 ans. Oh, c'est la puberté, c'est la puberté. Arrête de faire ta mijaurée. Quand j'ai commencé avant, j'avais des poils, quoi. D'accord, bah tu fais bien de préciser. Et du coup, c'est quoi le souci derrière... Alors aujourd'hui, comment ça se concrétise? C'est-à-dire que quelles sont tes journées? Bah écoute, je travaille, je suis infirmière. Mm-hmm. Donc quand je rentre du travail, ça m'arrive de croiser mes ex qui me contactent, tu vois, via les réseaux sociaux. Mm-hmm. MySpace. Et puis ça nous arrive des fois, tu vois, de faire des trucs quoi. À la maison, je vais chez eux, dans la voiture ou un peu de partout. Jusque là, ça va, mais à quelle fréquence? Oui, c'est ça. Techniquement. De quoi? À quelle fréquence le sexe? Ben, y a pas de fréquence, quoi. Non, mais Jennifer, par exemple, tu dis que tu croises tes ex. Est-ce que t'es capable de coucher avec plusieurs mecs dans la même journée? Ben oui. D'accord. Ok. Et par exemple, une journée sans sexe, pour toi, c'est pas possible? Ouais, c'est pas possible. Ouais. Ça va mourir. Tu es nymphomane. D'accord, décédé. Est-ce que tu te protèges? Ben, quand même. Oui, c'est bien, Jennifer. Est-ce que tu te protèges avec les crocs de l'infirmière? Non, quand même. Bah, d'accord. Non, la vraie question, Jennifer Ulrich, c'est de savoir avant tout, est-ce que tu es heureuse? C'est vrai. Je suis comblée. Je suis très bien dans ma vie. J'imagine que pour trouver un homme et construire une relation, ça doit être compliqué. Bah, pour l'instant, je veux pas. Le jour où je voudrais avoir une relation sérieuse avec un homme, je l'aurai. Bah donc, il n'y a pas de problème, Jennifer. En fait, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu nous fais chier? C'est un témoignage d'une femme libre. Ouais, c'est très méchant. D'une femme libre et épanouie sexuellement. C'est bien, d'ailleurs, ça, d'être épanouie sexuellement. Bah après, moi, je suis ouverte d'esprit. Moi, je connais des filles... Voilà, quoi, elles sont un peu comme moi, tu vois, elles sont extraverties et elles vont très bien dans leur vie. Et bah c'est très bien, non mais en vrai, là en l'occurrence, je vois pas où est-ce qu'il y a un problème. Il y a non, pas de problème. C'est vrai que quand t'as un appétit comme ça, parfois faut quand même avoir beaucoup d'ex sous la main et c'est compliqué pour elle. Je veux dire, si elle peut vraiment pas passer une journée sans faire l'amour. Après, tu sais, maintenant avec Tinder et tout ce qui existe, t'as envie de faire l'amour, tu fais l'amour dans la journée, je te le garantis. Ah, pas quand t'es un mec, ouais. Mais quand elle a ses règles, elle fait comment du coup? Bah quand j'ai mes règles, bah, je fais comme tout le monde, hein. Je ferme ma gueule. Tu quoi? Tu quoi? Je ferme ma gueule, je fais rien. Tu fermes ma gueule. Tu fais une maillot? Non, elle fait rien du coup. Ah, elle fait Michael Jackson. Ah. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vrai qu'elle a fait Moonwalk, ok. Bon, alors, Jennifer Ulrich, on a eu du témoignage, on va voir s'il y a d'autres gens comme toi. En tout cas, t'inquiète pas, franchement, t'es heureuse comme tout, tu te protèges, donc nous, on voit pas de problème à ça. Hein. Oui. Ouais. Ben oui, tant que je me protège, c'est bien. Alors, bouge pas, Jennifer. Alors, les gars, je vous annonce l'arrivée de Nicolas le pervers. Ah ouais, Nico. Salut, Nico. Salut. Ah, Nico. Salut, Anne-Sou. Salut, Marion. Salut, mon Nico. Ça va? Oui, ça va très bien, les filles. Bon, alors, comment, qu'est-ce que tu nous racontes ce soir? Est-ce que tu avais une question à nous poser, un truc à nous dire? Que je sors d'un club libertin. Ah, ah, c'est cool, ça, Nico. T'as vu des culs? Nico, Nico, reste avec nous. Nico, suis Nico. Mon doigt. Nico. Allez, parce que Nico, il faut se concentrer, il faut pas se toucher. Oui, non, mais j'entends très mal. Je suis dans une rue, j'entends très mal. Ah, d'accord. Ah, alors, concentre-toi. Comment c'était au club libertin? Oui, c'était très sympathique. D'accord. Et t'as eu une relation sexuelle avec une personne? Non, pas aujourd'hui, mais ça m'est déjà arrivé d'aller dans le même club et d'avoir une relation. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as juste regardé? Oui, exactement. D'accord. Ah, okay. Et donc du coup, ce que je sais que toi, ton fantasme, la dernière fois, tu nous avais appelé, tu aimes bien savoir que Marion se met toute nue et savoir que je ne porte pas de sous-vêtements sous mes vêtements. Et du coup, quand t'es arrivé là-bas, est-ce qu'il y avait des femmes sans sous-vêtements, tout ça, Nico? Le principe du club libertin. Oui, il a raison, Nico. C'est vrai que c'est un peu con, cette question. Alors, j'en conviens tout à fait. C'est qu'on est nu. C'est dans quelle ville, ton club libertin? Ah, je préfère être discret, je suis assez connu, je préfère être discret. Oui, bah t'as raison, ça, mon c'est pote. Très vrai. D'accord, ça veut dire Metz. Non. Et est-ce qu'il y avait un buffet, quelque chose comme ça? Quoi? Moi, j'avoue, c'est une question con. J'entends très mal. Mais je comprends, ouais, Nico. Bon, et Nico, en tout cas, c'est un kiff de t'avoir. Et tu veux rien savoir de spécial ce soir sur nous? Si. Ah, bah on t'écoute. Je voulais savoir s'il y en a une des deux qui ne portait pas de lingerie. Ah oui, encore, ouais. Ah, mais t'es un peu en boucle, Nico. Hein. Moi, je porte de la lingerie aujourd'hui, Nico. Et par contre, moi, je n'ai pas mis de slip. Également. Ah, oui. Les garçons sont nus sur leurs pantalons. Et Nico, quand je sors de la douche... Ils sont comme moi. Ah, oui. Oui, à peu près. À quelques détails près, ouais. On essaye de construire quelque chose. Donc, Nico, le soir, quand je rentre chez moi, je me fais un bon bol de lait. Et quand je le mange, ça dégouline. Ça dégouline où? Sur mes tétons. Ça dégouline où? Sur mon prépu. Arrête. Nico, est-ce que ça t'arrive, toi? De quoi? Bah, de manger et d'avoir comme ça du liquide qui dégouline sur toi. Non, ça m'est jamais arrivé pour le moment. D'accord. Ça m'arrivera peut-être un jour, mais pour le moment, non. C'est quoi le truc que tu préfères faire, sexuellement parlant? Sexuellement parlant? Ouais. Ouais. Du coup... Par exemple, la levrette. Une position, une pratique. Voilà, voilà. Peut-être le cunnilingus, tout ça, voilà. Nico. Non. C'est qu'une fille me laisse le sexe. Ah, d'accord. Oui. La fellation, c'est pas mal aussi, ouais. Oui, la fellation. C'est très sympa aussi. C'est très plaisant, ouais, effectivement. Ok. Bon. Bah, Nico, c'est cool parce que ce soir, encore une fois, on aura appris beaucoup de choses sur toi. Oui. Et est-ce que tu peux me faire un striptease? Ah, un striptease, mais à la radio, c'est pas évident, hein. Elle est en train de le faire, là, du coup. Là, elle est en train. Il y a aucune honte. Ah, non, mais Nico. Eh ben, vas-y, Nico, c'est parti. Alors là, je te dis, Marion est en train d'enlever le haut. Ouais. Oh, j'enlève le haut. Wow. Putain. Est-ce que vous voulez que j'enlève le soutien-gorge? Ah ouais. Le soutien. Ah ouais. Ça y est, je suis sans nu. Allez, l'enlève le soutien-gorge. Ah oui, ça y est, le soutien-gorge est enlevé. Marion va chercher de la crème de marron. Qu'est-ce que tu fais avec cette crème de marron? C'était ton. Waouh! Nico, les nibas. Il me reste le pantalon. Est-ce que je le garde ou est-ce que je l'enlève? À poil. À poil. Ok, poil, les gars. À poil. Allez. À poil. Nico. À poil. elle a fait glisser son pantalon le long de ses cuisses comme ça, bien charnu. C'est hyper sexy. Bien charnu, bien charnu. Non mais charnu, charnu joli quoi. Non, charnu sympa. Bon bah j'ai un peu froid, je suis nulle à, bah, devant mon micro, Nico. Hein. Ah non, il se touche là les gars, ça me voit ça. Non, non, non, non, non. Non, on arrête, on arrête, on arrête. Nico, je me rhabille. Non, tu te rhabilles pas. Si, je me rhabille. C'est mort. J'ai dit si. Nico, t'es pas en train de te caresser dans la rue quand même là. Ça, ah, c'est trop long. La réponse est trop longue pour répondre. Ah, il a la main dans le pantalon. Ouais, d'accord. Bah, en même temps, c'était. C'est Nico, vrai. Est-ce que tu possèdes une érection? Exactement. Bon. Oh. Eh ben Nico, sur ce, ben, je suis très contente de t'avoir fait plaisir en tout cas. Eh ben mon pote, on se rappelle demain ou après-demain ou un autre jour. Non, pas après-demain, je peux pas mercredi. D'accord. Bon. Attends, quand est-ce que t'es dispo? Vas-y, je sors mon agenda. Non mais Nico, t'inquiète pas, on n'est pas sans se donner des nouvelles, d'accord? Mardi okay. En 8, je suis dispo à 16h. On t'embrasse mon Nico et fais attention à toi, va bien faire la fête. Est-ce que tu peux passer la fille Jennifer? Ah bah oui, Jennifer, t'es là ma belle? C'est pas tombé dans l'oreille d'un... Allô? Ouais, Jennifer, Nico, on vous met hors antenne puis vous faites ce que vous voulez là. Vous avez non, la pauvre. Un petit tunnel, bah au téléphone, Jennifer. Jennifer, elle ça te... Peur. Mais non, il est adorable en surtout vrai. Surtout qu'on lui a donné ton adresse en plus, bah, c'est ça qu'on aurait pas dû faire. Laissez-les parler pour voir. Vas-y Nico, parle-lui à Jennifer. Jennifer, tu me fais pas comme tu parles. Ouais. Oh là là. Vas-y Nico. T'as une voix de pervers, tu me fais peur. Mais non, mais j'ai pas du tout de voix de pervers. Tout le monde me trouve adorable. Mais oui, c'est vrai. Mais t'as une façon de parler qui est pas comme les autres, ça me fait peur. Sa personnalité. Mais non, mais faut pas avoir peur. Ça, c'est ridicule. C'est comme dans les films. Mais non, mais c'est grotesque, ça. Bon, Nico, tu sais quoi, on va rester en contact, nous, parce qu'on a un bon feeling. Ouais. Et Jennifer, peut-être qu'elle va aller se diriger vers quelqu'un d'autre. Voilà. Hein? Ok, oui. Nico. Allez, Jennifer, on te laisse, hein, parce que tu es dans, bah, dans la peur. Hein. Oui, bah, les grotesques. Allez, les grotesques, alors passons. Nico, on t'embrasse, mon chat, on te rappelle dans la semaine. Bisous. Bisous. Allez, bisous, les filles. Bisous, bisous. Jennifer, on t'embrasse aussi, ma chérie. Merci d'être passée sur l'antenne. Bisous. Allez, à bientôt. Et puis bah les garçons, on va vous laisser aussi. Merci énormément d'être passés dans le Night Show, c'était un kiff et merci surtout d'être restés jusqu'au bout parce que franchement, vous êtes bon délire. Ouais, grave. McFly et Carlito, vous les retrouvez demain là sur W9 à 20h55 pour le spécial parodie 2. Yes. C'est un prime de ouf où ils parodient toutes les plus grosses émissions, donc soit elle est là d'ailleurs. Soit elle est là les gars, soit elle est là. Et sur leur chaîne Golden Moustache, on est à plus de 2,5 millions d'abonnés, c'est magnifique. C'est vrai. Bravo. Franchement, c'est bravo les gars. Merci les filles, merci à toute l'équipe, c'était très très bon. Ouais, c'était vraiment mortel. Et on vous aime, bordel. Ouais. Mais ouais, voilà. Et tout de suite, c'est Adrien Thomas qui va être avec vous jusqu'à 1h du mat. Bonsoir Adrien. Bonsoir, bonsoir à tous. J'en ai marre qu'on finisse l'émission et que tu finisses tout le temps à poil. Ça devient gênant pour tout le monde. C'est vrai que c'est la deuxième fois cette semaine. Hein. Oh, ouais. Non mais bon. Il est très sympa en tout cas Nico. Hein. Oui. Adorable. Si tu veux, on te passera son numéro. Non, du coup, mais ce serait bien de l'inviter, je pense, un soir vraiment. Pour... Ouais, bah écoute. J'ai son numéro, c'est mon père donc. Bon, n'oubliez pas que demain soir, on vous retrouve en direct à partir de 22h et que notre invité sera Soprano. Donc si vous avez des questions, et bah toujours le même numéro 01 42 48 5000 avec le hashtag le Night Show, ça marche aussi. Demain matin, c'est Bruno dans la radio qui va vous réveiller entre 6h et 9h. Et puis nous, on se quitte en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. P-A-R-T Y F F U N P A R T Y F U N P A R T Y F U N P A R T Y F U N P A R T Y U N P A R T Y U N P A R T Y U N P A R T Y U N Party fun. Welcome to the biggest club in France. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio, on est en direct, minuit 5. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Vous avez passé un bon week-end? Oui, toi aussi. Vous êtes sorti en boîte? Non. Mais moi je suis sorti en boîte, oui. Ouais. C'est vrai, c'est une très belle soirée à Laval, je sais pas si vous connaissez, dans le 53 en Mayenne. Ah si, j'ai fait beaucoup de boîtes à Laval. À Laval, bah toi à Laval, hein. C'est ta gueule. Alors, ce soir au programme, le nouveau Calvin Harris, il y aura aussi le nouveau Sam Felt ce soir. Et puis on va démarrer avec le jeune homme qui fait le tour du monde, un des DJ français les plus connus dans le monde en ce moment. Voici Kungs et Don't You Know dans Party Fun sur Fun Radio. Bisous, à demain. Bisous. Bisous. At least I did it my way, lie way too fast.

Never had enough, never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough, never catching us. Never changed what we done. It made us who we are today. I'm taking every chance I get to make it so you won't forget who we are. A new place to hide out, making our plans to break out. Give me your hand and they will know who we are. On est sur Fun Radio Party Fun. C'est Adrien Thomas. Si vous voulez passer à l'antenne choisir un son, n'hésitez pas avec moi, super simple. Il suffit de nous laisser votre numéro de téléphone en message privé sur la page Facebook Party Fun officiel. Allez-y, faire un tour. Et puis si vous n'avez pas liké, ce sera l'occasion de liker. Dites-moi un petit peu ce que vous faites aussi là ce soir en écoutant l'émission à minuit 20 sur mon Snapchat. Vous me faites un petit snap, une petite photo là de l'endroit où vous écoutez la radio en ce moment. Mon pseudo, c'est Adrien Thomas, T-O-M-A. Dans un instant, The Parakeet. Il y aura du Justin Bieber, DJ Snake avant une heure. Et on continue la soirée avec le nouveau Sam Felt et Luca and Steve. Summer on You. Bonne soirée. Merci d'avoir choisi Fun Radio, d'avoir choisi Party Fun. We were in love with the sun. We were in love with the sun. Sipping on coke and rum. My head up in the clouds. But when I look back now, ain't nothing else I would do when I spent the summer on you. Our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks. Filling our plastic cups down by the riverside. We spent those long hot nights until the sky turned blue. When I look back now, when I spent the summer on you. When I spent the summer on you.